Rendez-vous dès demain sur Fun Radio à 20h. Merci d'avoir été avec nous. On sera là, hein, 20h, 23h. Vous continuez de lâcher vos messages sur le Twitter, hashtag Love in Fun, et la page Facebook de l'émission Love in Fun. Rendez-vous là maintenant avec Mickaël Lolli. Oui. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Salut, comment c'était le ski à Grenoble? Bah, écoute, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ça s'est bien passé, comme tu peux le remarquer. Pas de jambes dans le plâtre. Non, mais de belles photos sur Instagram. Oui, aussi, effectivement. Bah écoute, on s'est bien marré. Hein. On a vu ça avec le chien loup. Oui, exactement. Et Tagou qui t'embrasse. Et est-ce que tu as planté le bâton? Je n'ai pas planté le bâton parce que je ne fais pas de ski, donc je n'aurais pas pu planter le bâton. Tu ne pratiques pas non plus. Hein. Non, le ski, non. Le surf, oui, mais pas le ski. Mais par contre. Oh, le beau gosse. Bah oui, je fais du snow plutôt. Mais par contre, Toff, lui, plante. Hein, ça, bah moi, je plante tout ce que je peux. Et il n'a pas planté que le bâton. Il a niqué. Ah, écoute, je sais pas. En tout cas, il dormait seul. Oh, non, bah, elle avait pas niqué. Je partageais l'appartement avec Polo. Oui, mais enfin, t'avais ta propre chambre. C'est vrai. Voilà. Paraît-il, il y a eu des bruits bizarres. On disait que partageait l'appartement. Ouais. D'accord, Toff, il est comme ça, il me fait des infidélités. Le jeudi, j'existe plus. Ah, d'accord, bien. Bah, t'avais qu'à venir. Certes. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé tout seul, j'étais obligé de me consoler. Mais je t'ai envoyé un chien loup. Avec un chien loup. Mais il vaut mieux pas savoir. Bon, et bah bonne soirée à vous. Et puis retour demain à partir de 20h, une nouvelle édition de Love in Fun. Merci. Et nous, c'est parti jusqu'à 2h du mat. Ciao. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est là. Bonsoir tout le monde. Enfin de retour dans le studio après un week-end de dingue. Ah non mais c'est vrai, attends, c'est vrai, on est un truc de ouf quand même. Bon alors, et en arrivant à Paris tout à l'heure là, j'ai cru que j'étais dans un film. Truc de dingue, bizarre de voir Paris vide. Enfin, à un autre moment qu'au mois d'août, je veux dire. Non, je me demandais si c'était pas le GPS qui s'était trompé de route. Non, je sais pas, parce que on est arrivé à la radio, quoi qu'il arrive, puisque vous saviez évidemment, hein, aujourd'hui à Paris, seules les voitures impaires pouvaient rouler. Voilà. Coup de bol, parce que bon, vous savez, parce que vous avez vu, bon, la Fun nous avait loué un monospace logotisé Mickaël, machin, parce qu'on est allé à Grenoble hier et au ski le week-end. Et au moment où je prends la nouvelle, je me dis, oh putain, je descends dans le parking et là, qu'est-ce que je vois? Ouf, ça terminait par un 5 la plaque. Ah, sauvé, exactement. Donc on a pu revenir à la radio, sinon bon, on serait arrivé à minuit quoi. Bah on serait rentré à pied, c'est pas mal. Oui, on aurait pu rentrer à pied, tu me dirais aussi, effectivement. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, on est là sur Fun Radio, on est arrivé, on est là en direct jusqu'à 2h du mat. Car oui, il se passe enfin quelque chose à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe, 23h, 2h du lundi au jeudi. Et le dimanche de 20h à minuit. Il y a Mathieu avec nous également de Vesoul. Salut Mathieu. Salut Mickaël. Ça va bien? Et toi, ça va? Écoute, ça va. Ça a mieux qu'hier, parce que hier, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Et je me suis dit, oh là là, ça va être la galère ce soir. Mais ça va un peu mieux, là. C'est pas encore le top du top, mais ça va mieux. Note, c'est bien de tomber malade quand il commence à faire beau, non? Bah oui, c'est le meilleur moment. Alors que j'ai tenu tout l'hiver sans le moindre pépin, je me suis dit, tranquille, tout va bien. Et puis peut-être le ski qui faisait trop froid ce week-end, je sais pas. Non, pourtant non, il a fait chaud aussi. Bon, ski. Bah je sais pas. Pourtant, j'ai surfé comme un dieu, hein. Ah bah oui. Oh là là. Tel le surfeur d'argent. Ah bah oui, exactement. Il était là, il volait. Oui, on avait l'impression qu'il volait. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bah, Tony Hawk, t'as qu'à bien se tenir. Hein. Là, je le confirme, effectivement. Temps, effectivement. Oui, bon, t'as passé une bonne journée. Bah, on a une planche, quoi. Il manque les roues, mais c'est tout. Bon, est-ce que t'as passé une bonne journée, Mathieu? Nickel, repos. Repos, t'as bien de la chance, toi. T'as fait quoi? À part le repos, je veux dire. Bah repos, j'ai fait un petit peu de moto ce matin, puis voilà. D'accord, ok. Bon bah c'est bien aussi, un petit peu de bécane, c'est pas mal. Bon Mathieu, sinon le week-end fut bon? Nickel, parfait. T'as fait quoi? Repos. Ah bon? Non, pas repos. T'es sorti un peu, t'as fait quoi? Ouais, sorti en boîte de nuit. Puis... Ah, t'as pécho? Malheureusement non. Mais ça arrive même au meilleur, t'inquiète pas Mathieu, c'est pas grave. Ce sera probablement pour une prochaine fois. Bon, appelez-nous d'ailleurs les autres, hein, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, vous faites tout de suite le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Et on parlera ensemble évidemment de ce que vous voulez. Sandro, qui est content de nous voir en entier? Oui. Ah, parce que quand on est parti, alors on est parti jeudi soir de la radio après l'émission. Direction directement Orcières, donc c'est vrai qu'on n'avait pas dormi. Puis directement les pistes, on s'est dit bon on va se casser la gueule, on va se casser un truc puisqu'on n'a pas dormi. Et finalement ça s'est plutôt bien passé. Oh, c'était cool ouais. Mais finalement c'était plutôt cool. Polo il a eu peur, il m'a dit qu'il a failli finir à l'hôpital. Oui alors, c'est l'exagération de Polo. Son week-end, mais dès si, qu'il je est me arrivé, suis vautré, j'ai eu l'impression que ma cage thoracique a explosé. Ouais mais n'importe quoi. On l'a vu, il a fait boum. Et voilà, tout de suite, il a fallu appeler les pompiers. Oh là là, je vous jure. Mais non, l'hélicoptère est venu le chercher et tout. Hein. Ah bah, heureusement, la neige était molle, elle a amorti. Ah, je sais pas si vous avez vu, il est passé le reportage hier sur M6. Non, c'était quoi, enquête exclusive, c'est ça? Ah ouais, il est passé, vraiment, il y a eu une avalanche et tout, il a survécu. Voilà, une histoire. Ouais. Ils sont venus, ils l'ont sorti. Le chien de traîneau est venu, il a gratté ta goule. T'as vu sur le Facebook? J'ai vu la photo, il est trop voilà, mignon. Il est venu, c'est lui qui a sauvé Paulo. Non, mais c'est vrai, il est venu et tout, il a gratté, etc. Non, il l'a sauvé. Allez voir la photo du chien, elle est sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel, je vous l'ai mise avant-hier. Tof qui est heureux également de pouvoir retrouver tous ses amis. Voilà. Mais va te mettre une bite au cul, enculé que tu es. Voilà, des nouveaux amis, nous appellerons, nous découvrirons ces nouveaux amis, bien entendu, tout à l'heure avec grand plaisir. Et Polo, qui se sent mieux depuis qu'il est revenu dans la capitale du monde? Ah, Paris, capitale de la pollution. Ah oui, là pour le coup, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Petite anecdote, j'ai tellement pas l'habitude de l'air frais et pur que j'ai failli m'étouffer. Ah, oui, à la montagne, il allait pas bien. J'arrive plus à respirer. Mais comment ça t'arrive plus à respirer? Il fait super bon, là, on est au top. Bah, du coup, on allait lui faire tourner la voiture et il se mettait en dessous du pot d'échappement et il va mieux. Ça allait beaucoup mieux là. Ça allait beaucoup mieux du coup. Il y a Euskal sur le Twitter qui dit coucou, ça fait longtemps que je vous avais pas écouté. Effectivement, Euskal, je me souviens de ton pseudo et ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu. Tiens, bah, sois le bienvenu à nouveau. Thomas également, viens à Bruxelles faire l'émission chez moi. Il y a plein d'auditeurs de Bruxelles qui veulent te voir, y compris moi. Bah, bien sûr, Thomas, il n'y a pas de problème. On passera. De toute façon, il n'y a pas de problème. On avait promis d'aller à Charleroi également, à la friterie Alba. Il y a un auditeur qui veut qu'on aille aussi à Belfort là, pour faire l'émission chez lui. Il dit qu'il a déjà des micros chez lui, donc on est tranquille. Ah bah parfait. Ça fera ça en moins à transporter. Mathieu qui dit salut Mickaël, bien rentré. Je vous remercie encore pour l'émission d'hier en direct de chez moi. C'était vraiment cool et je vous remercie beaucoup en espérant un jour arriver comme vous avec le même parcours radio. Bis à tous. Ah écoute, ça je sais pas, mais le même parcours voiture, tu peux le faire. Hein. Ah, c'est un peu long, quand même. Mais... En tout cas, merci Mathieu de nous avoir accueillis chez toi hier soir. On a fait l'émission en direct de Grenoble pour ceux qui débarquent. Il y a Grrr également qui dit la photo avec le chien, elle est trop belle. Oui, d'ailleurs, je vous ai mis aussi la photo de l'appart de chez Mathieu et la photo d'hier avec tous les auditeurs qui étaient là. Qui était venu nous voir à la caserne de Bonne à Grenoble pour gagner la GoPro. On s'était marré aussi à base de papier toilette et à base de poirier. Hein. Oui, c'était sympa. On avait fait un petit jeu. Le but, c'était de tenir en poirier le plus longtemps possible. On en a gardé 4, les 4 meilleurs. Et puis après, il a fallu s'entourer de papier toilette sans casser le papier toilette. Un grand jeu très novateur. Mais oui, mais je trouve que nous avons des jeux très novateurs. Mais t'inquiète pas, ce qui ne les empêchera pas d'être copiés par d'autres. Ah, malheureusement. Qu'ils ne soient pas novateurs. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina également? Vous êtes géniaux. Voilà, merci. Je vous aime, ne changez pas, on comptait pas comme ça. Changez, Sabrina, merci à toi. Et Astrid qui dit salut, je viens de découvrir ton émission, j'adore. Ah, déjà, pourtant, on n'a pas fait grand chose encore depuis le début. Hein. Mais sois la bienvenue, Astrid. Et let's be free. Non. Ah, bah, let's be free. J'ai cru que t'étais décédé depuis le temps qu'on avait plus vu, dis donc. Hello, mon tof d'amour. Oh, bon, moi, ça me fait plaisir que tu sois là. Moi, je pue du cul. Alors, bon, très bien, let's be free. Merci à toi, en tout cas. Bon, Mathieu, alors, toi, t'as passé donc un bon week-end, tant mieux. Et on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Eh ben, on va parler de ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Et qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 2 semaines? Une panne sexuelle. Ah, on avait terminé avec toi hier soir en direct de chez Mathieu à Grenoble. C'est ça. Exactement. Bon, bah écoute, on va en parler. Est-ce que t'as envie d'écouter un son également en particulier ou pas toi ce soir? Chucky Skydrive. Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Je l'avais. Attends, je vais le retrouver. Hein. Pop. Voilà. C'est Skydive. Pas Skydrive. Hein. Ouais, celui-là, Chucky, on est bien d'accord? Nickel. Très bien. Bon, il y a Romain également qui est avec nous pour la colle là. Salut Romain. Salut Romain. Je me salue moi-même, t'inquiète pas. Je devrais commencer comme ça le soir. Salut Mickaël, ça va? Ouais, super, et toi? C'est génial. Tranquille, oh, je t'adore et tout, putain, trop le kiff. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Ça va Romain de Guingamp? Ouais. Bon, est-ce que t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir toi? Clean Bandit de Weatherby. Clean Bandit avec Rather Be, eh ben pourquoi pas. En plus j'avais envie de le mettre celui-là ce soir. Il était pas prévu mais attends, on va le prévoir. T'inquiète pas. Attends, Clean Bandit, Rather Be. Où est-ce qu'il est celui-là? C'est bien pour preuve qu'il n'était pas prévu au programme ce soir. Attends, Clean Bandit, il est. On m'a volé Clean Bandit. C'est pas vrai. Comment ça? Ah Tof? Non. Ah. C'est bon. Oh, on va chiller, tiens, comme ça, pendant que Tof va. Chier. Évidemment, bien sûr. Ah bah je confirme. Putain, alors là. D'ailleurs, ça m'a rappelé pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a fait un dîner presque parfait avec Polo. Polo a fait la cuisine. Quand on avait été à Noyon chez Olivier, un autre auditeur, un dimanche soir, c'est Tof qui a fait la cuisine. Et nous avons oublié de noter Polo. Vrai. Ce que nous ferons dans quelques minutes d'ailleurs, pour ceux qui étaient avec nous hier soir. Bon, Clean Bandit également. Et puis, surprise également, le nouveau David Guetta avec Showtech. Ce sera Bad dans quelques minutes. Allez, restez bien là, je vous calerai aussi mon son préféré, Route 94, avec My Love. On va chiller, hein. On va chiller ce soir, on va être bien, on va être très très bien. Fais péter la colle, Romain, pour gagner ce soir la GoPro, on t'écoute. Ok, qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Ah, c'est tout? Ouais, c'est tout. Bon, très bien. Qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse. Envoyez ça au 64 900 ou alors au 6322 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, je vous ai mis la colle là maintenant, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Alors attention, qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? C'est bien ça, Romain? Ouais. Très bien. Ah, c'est peut-être Toff éventuellement, non? Quand il jouit. Ouais, ça peut être top, ouais, ça, mais non, pas ça. Ah, c'est pas ça, merde. Merde, je croyais que j'avais dit. Ah, donc qu'est-ce qui crie plus fort que ça? Ça a quand même un sale bruit, le cochon. Ah ouais, c'est horrible. Tu préfères lui bouffer les pattes, non? Ah oui, oui, ça c'est très très bon. Les pattes, le museau, les oreilles, le jambonneau. Oh, quelle horreur. Les jambonneaux. Bon, Romain, la GoPro peut-être pour toi avant minuit 30. On attend que les auditeurs s'inscrivent. S'il y en a qui trouvent la bonne réponse et qui passent à l'antenne, ils gagnent, tu perds. Si jamais c'est le cas inverse, évidemment, c'est toi qui gagnes. À tout à l'heure, Romain. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Vous avez la bonne réponse. Eh bien, participez. Je vous ai mis la colle. Vous allez pouvoir la lire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Tiens, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que vous faites de votre téléphone la nuit? T'en fais quoi, toi, Romain, de ton téléphone la nuit? Ah, bah, il reste toujours allumé. Il reste toujours allumé. Très bien. Ouais, et toi, Tom, t'en fais quoi de ton téléphone la nuit? Tom? Ah non, merde, c'est Mathieu qu'on va voir là. Pourquoi on a plus Mathieu? On a perdu Mathieu. Ah, bah non, il est plus là. Hein. Mathieu? Oui. Ah oui, c'est parce qu'il y a marqué Tom à ta place, autant pour moi. Bon, alors Mathieu, du coup, donc qu'est-ce que tu fais de ton téléphone la nuit? Pareil, il est allumé. Il reste allumé, d'accord. Bah, venez nous dire ce que vous faites, parce que j'ai lu un article et ça fait peur. Hein. Donc dites-moi où vous mettez votre téléphone et si vous le laissez allumer ou pas la nuit, bien entendu. On en parle dans 5 petites minutes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on revient avec Clean Bandit sur sa Rather Be. Mickaël, no limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et évidemment, on est en direct sur Fun Radio, là, 23h14, je vous l'avais promis, le Rather Be, il va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio, hein, puisque c'est toi, Mathieu, qui l'avais demandé, le Rather Be, non? Non, c'est pas moi. Ah non, c'est Romain, alors, Romain, c'est ça? Ouais. Ah bah voilà, tiens, tu vois, hop, on va te le mettre maintenant, là, Clean Bandit avec Rather Be, hop là, tu vois, plus vite que tout, là, hop, il est déjà là, on est bien là, non, ou pas, Romain? Comment? Je dis, on est bien là ou pas, Romain? Ah ouais, là, on est posé. Là. On est plutôt pas mal. On va chiller pendant que Toff, Romain, va chier. Évidemment. Bon, ben, reste avec nous, Romain. On va revenir, là. Mickaël, nos limites. On est en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun. Bonne soirée. We're a thousand miles from Le son de Clean Bandit sur Fun Radio, c'était Rather Be. Il est 23h18, vous avez vu, vous demandez et puis on vous le passe, hein, les sons, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas, Romain? Ouais. T'as chillé ou pas là, non? Ah ouais, là. Tu t'es mis bien, tant mieux. Bah écoute, c'est parfait. Et donc, Toff a été chié. Hein. On t'entend mal. Oui, j'ai été chié. Ouais, bah voilà, ça c'était bien. Non, oui, c'était très bien, j'ai chié rouge. C'était comment magnifique. Ça, chié rouge. Bah en fait, avec tout ce qu'il a mis dans l'hamburger. Ah oui, alors hier effectivement, on était à Grenoble chez Mathieu l'auditeur et donc comme Polo s'est dit que bah non, enfin comme on a imposé à Polo de faire le dîner presque parfait. C'était délicieux. Et bah il a été chez Casino, cet enfoiré, parce que j'ai vu les boire des cartons après en partant. Il a été chez Casino acheter 12 cheeseburgers à 7€, ça vous donne une idée de la gueule du cheeseburger quand même, hein. Donc 12 cheeseburgers à 7€ qu'il a Je les ai fait au feu de bois. Arrête ton cinéma là. Qu'il a customisé, hein, faut Polo, ouais, ça c'est sûr. Polo a fait la double cuisson, hein, qu'il tenait de sa grand-mère. Exactement, exactement. Ouais. Arrière grand-mère, oui, pardon. Et donc du coup, comme il avait foutu plein de trucs piquants à l'intérieur, bah t'as chié rouge. Et plein de piments, donc voilà, j'ai chié rouge. Donc ça m'a fait bizarre en me torchant le cul parce que j'ai regardé le papier. En fait, c'était de la merde. C'était du sang, non? Non, c'était de la merde rouge. T'es sûr que c'était pas du sang? Oui, parce que c'était trop épais pour être du sang, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Ferme sa gueule. Et bon appétit, hein, si vous êtes. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Surtout. Pardon. Ouais, mais comme quoi ça fonctionne, hein. J'ai surtout fait une glace à la harissa, il a adoré. Mais alors ça, je voulais dire, c'était super bon. Arrête, une glace vanille à la harissa, par donc, pitié, t'es toi. Mais parce que Polo, il a mis trop de harissa, mais je suis sûr qu'avec un peu moins de harissa, c'est super bon. Mais n'importe quoi. Bon, il y a Mathis qui dit, je pouvais pas écouter la radio jusqu'à 2h à cause de la reprise au collège, mais le lendemain de la rentrée, il y a grève. Ça passe, ah, c'est Mathis. Bon. Et Clem qui dit, je peux avoir ma musique d'anniversaire, j'ai 20 ans aujourd'hui. Non. Bah bon anniversaire, Clem. Bon alors anniversaire. Attends, je vais te le mettre, moi, je vais te la mettre, la musique. La musique, hein, je vais te la mettre, hein, Clem. Hein. Qu'on soit clair, même si tu as 20 ans aujourd'hui, ça n'empêche pas. Oh, moi, je veux bien la mettre. Oui, voilà, j'imagine bien, Polo. Voilà, et Sophie qui dit je dors avec le téléphone à côté, même si c'est pas bon à cause des ondes. Bah justement, on va en parler. Qu'est-ce que vous faites de votre téléphone? Je vous ai mis le post sur le Facebook et le Twitter. Allez voir, facebook.com/mikaelofficiel. Alors avec nous, il y a Romain qui dort avec son téléphone allumé. Il y a Mathieu qui dort avec son téléphone allumé. Et on a Tom également d'Anglais dans les Pyrénées-Atlantiques. Salut Tom. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Bon, très bien. Bon, alors Tom, est-ce que tu dors avec ton téléphone allumé ou pas, toi? Non. Tu l'éteins ou... Moi, je le charge allumé, mais loin. Tu le charges allumé mais loin. Donc il reste allumé, tu le charges, mais il est dans la même pièce que toi ou pas? Oui. D'accord, donc tu dors avec le téléphone allumé. Ouais, mais j'ai déjà lu cet article. Ah oui, bah justement, on va en parler, Tom, reste avec nous. Hein, puisque visiblement, il est très mauvais de laisser son téléphone allumé la nuit parce que inconsciemment, eh bien, vous restez éveillé, prêt à répondre au téléphone et donc vous dormez moins bien. Ah merde, ouais, il faut pas le laisser allumer. Donc pour bien dormir, il faut être libre de tout. Alors je peux vous dire qu'avec le week-end qu'on a passé, je vais être libre de tout ce soir. Oh là là, quelle violence. Ouais. Non, le pire apparemment, c'est la lumière que fait le téléphone. Le simple fait de regarder le téléphone, par exemple, trop longtemps, quand vous vous réveillez la nuit, bah ça peut avoir le même effet qu'une tasse de café. Ah oui, c'est... Si, ça réveille complètement en fait. L'effet caféine. C'est dingue. Ah bah ouais, c'est... Donc moralité... Je sais comment je vais me réveiller le matin, plutôt que de me faire un café, je vais me mettre devant mon téléphone. Voilà, donc moralité, ne dormez pas à côté du téléphone. Moi personnellement, il est allumé certes, mais en mode avion. Donc pour l'éteindre, tu me diras, mais c'est juste parce qu'il redémarre plus vite comme ça. Ouais, mais moi, je le mets en mode avion et alors personne peut m'emmerder. Hein. Tout est coupé, j'en ai rien à foutre, tout le monde peut crever que je m'en branle. Ah ouais, moi je coupe toutes les sonneries. Ah non, ah oui, mais donc tu le laisses allumer, il y a quand même les ondes, tout le bordel. Ouais, mais je le mets, enfin il est pas à côté du lit quoi, il est loin donc du coup. Non, moi il est à côté, mais par contre tout est coupé donc non, je l'utilise absolument pas. Donc dites-nous les autres, allez-y, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Qu'est-ce que vous faites de votre téléphone portable la nuit? Est-ce que vous laissez allumer? Est-ce que vous le coupez? Il y a Clem qui dit merci, vous êtes géniaux, des bisous Polo. Il y a Megumi qui dit montez la nuit, je le coupe car la nuit je dors. Point. Bah t'as bien raison Megumi. Florian qui dit pimp my burger pour Polo hier soir. Et Yanis qui dit je le mets sous mon oreiller avec Fun Radio dans les oreilles. Oui, si tu mets Fun après c'est différent. Là tu peux le laisser allumer. Bah oui, si c'est pour mettre Fun, évidemment. Il y a Alessandra aussi qui dit moi mon téléphone reste allumé sous mon coussin. Elliot qui dit ah, mon téléphone il est allumé, on peut m'appeler à toute heure. Mais c'est très mauvais Elliot. Et Fatima, mon téléphone fait aussi réveil, donc je le garde près du lit. Sinon, si je veux le mettre sous l'oreiller, je le mets en mode hors ligne car j'ai remarqué que ça me donnait des maux de tête. Bah oui, normal. Mais après vous pouvez l'utiliser en mode réveil, hein, mais il faut pas le laisser allumer quoi, c'est ça que je veux dire. Faut le mettre en mode avion ou... Pardon, je suis en train de m'étouffer. Quand je dis que j'ai mal à la gorge, il y en a qui le savent pas, mais vous pouvez mettre le réveil et éteindre votre téléphone, il va quand même sonner. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, je savais pas. Si. On peut faire ça avec l'iPhone? Bah oui, si tu mets ton réveil et que tu éteins ton téléphone, il va quand même sonner. Ah, c'est cool ça. Voilà. Et il y a Jeanne-Françoise qui dit la lumière stimule le système nerveux, d'où l'effet tasse de café. Exactement, tout à fait. Bon, Mathieu, on va quand même parler avec toi un moment, hein, faut bien, et puis on en fera les appels de Toff après. Alors Mathieu, bon, qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu nous avais appelé hier, t'avais une panne sexuelle. Qu'est-ce qui va pas à ma gueule? Ah, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est vachement choquant. Ouais, c'est pas grave, ça arrive à le meilleur. Hein. Mais oui. Ouais, mais après, elle avait une haleine de chacal, donc je sais pas si c'était ça aussi. Mais... Qui ça, la meuf? Ah oui, horrible. Comment ça, elle avait une haleine de chacal? Mais tu t'es pas rendu compte avant? Ah, vachement, non, franchement, non. J'ai même essayé de lui redonner mon chewing-gum, tellement elle puait de la gueule. Mais pourquoi t'as été avec elle? Je comprends pas alors. Bah, parce oui. Que, oui, la panne, elle vient de là, hein, fais pas chier, hein, va pas chercher plus loin. Bah bon, parce que voilà, c'était un petit plan cul, puis en fait du coup ben oui, non, j'ai pas, au début ça allait, puis ben elle me disait ben pourquoi tu m'embrasses pas, ben ah bah oui, mais c'est de la gueule. Mais non, mais attends, mais arrête, mais c'est normal, dis donc, c'est normal que t'aies pas envie de coucher avec une meuf qui sent mauvais. Bon, une fois qu'elle a quatre pattes, tu le sens plus, hein. Mais arrête, non, c'est dégueulasse, parce que si elle sent de la bouche, déjà tu te demandes ce qui sent, où ça, ce que ça sent ailleurs. Vous êtes déjà tombé sur une fille qui, ou un mec, hein, pour les filles, qui était pas propre. Enfin, c'est-à-dire que, bon, vous êtes pas rendu compte, parce que là, c'était physiquement, vous êtes peut-être rencontré à gauche, à droite, et ça avait l'air très bien. Et puis au moment où vous avez, déballé le cadeau, vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était pas très, très, très, très, très propre. Moi, j'ai une histoire, c'est un peu plus drôle, c'est que je rencontre une meuf en boîte, donc t'es dans la boîte, c'est à l'époque on pouvait fumer encore. Et donc, du coup, tu te rends pas compte des odeurs. Et du coup, bon, je ramène la meuf chez elle, et on va. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle venait tout nettoyer, mais genre à fond, tu vois, bien plein de détergents et tout. Et donc en fait l'odeur dans le truc, ça puait l'eau de Javel, le machin. Ça me prenait la gueule. Elle fait, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème? Non, ça sent juste un peu fort. Ah bon, tu sens quelque chose? Et donc du coup je me suis barré. Oh, quelle horreur. Bah oui, mais c'est normal en même temps. Mais quand ça sent mauvais, Sandro, t'es déjà tombé toi sur un mec qui puait? qui pue à doux de la gueule. Non, mais tu sais, genre, il a l'air bien comme ça. Comme Toff, il a l'air bien. Et puis quand tu déballes le cadeau, tu sais que. Ah non, bah, il y a. Ça, pas tout le temps, mais ça peut arriver que. Oui, que. Comme moi, ça peut m'arriver de puer. Ah, Sandro pue, donc c'est la nouvelle du jour. Non, mais... je dis pas que je pue. Si, si, tu l'as dit. Mais c'est dit. Mais ça peut arriver quand ça tu arrive, mets Sandro, un t-shirt un peu. Ça pue. Ça, ça dépend. Moi, ah, ça m'est arrivé. Le fameux t-shirt qui sent la pisse. Ah oui. Ouais. Non, alors moi. Oui, alors il y a celui-ci. Non, mais ça, c'est la matière. Moi, j'en avais un comme ça, du coup, je l'ai viré. Non, pas ça. L'odeur de la pisse qui ressort. Non, mais c'est la matière. Moi, je sais que j'ai eu un t-shirt comme ça, que du coup, je m'en suis débarrassé. Quand je le mettais, il était propre, je sortais de ma douche, il n'y avait pas de problème, déo et tout. Je le mettais, une heure après, ça a pué sa mère. Ouais. C'est pas possible. On a tous un t-shirt comme ça. Ouais, bah moi, je l'ai plus. Hein, c'est et il y en avait un, et ça arrive aux filles aussi, où tu sais, c'est les trucs un peu serrés. Ouais. Ça dépend de la matière que c'est, ouais. Et sous les aisselles, et tu pues la mort au bout d'une heure, quoi. Quelle et horreur. Tu fouettes et tu peux rien faire, quoi. Est-ce c'est que tu sens le toff ou c'est une autre odeur? Mais... Non, moi, je t'en mords parce que faut dire un truc. Hier soir, dans les chambres d'hôtel, ça sentait la merde dans comme ton hôtel. Par hasard, la chambre ça de Toff, de la chambre de Toff, ouais. Ça sentait tu le caca. Je suis rentré parce que alors il faut vous expliquer. On va raconter notre vie, mais hier on était à l'Ibis à Grenoble, à l'Ibis Style. Voilà, je salue d'ailleurs mon ami asiatique qui a voulu me escroquer de 10 €. Enfin bref. Et donc du coup, on avait toutes les chambres les unes à côté des autres. Au moment où on rentre. Il y a Toff qui ouvre sa chambre, ça pue la merde. Ça, j'avoue. Alors que dans ma chambre, ça allait quand je suis rentré l'après-midi chez Polo aussi. Et à un moment, j'en vois, parce que donc Toff était au milieu, moi j'étais à droite et à gauche et Polo était à droite. J'envoie un message à Polo, je dis putain, ça pue la merde là, dans ma chambre. Et en fait, l'odeur venait de chez Toff. Et ouais, avant, j'ai rien. Mais ça pue parce que la chambre pue ou si lui il avait fait caca? Non, je sais pas, il a dû à mon avis j'avais tout ce qu'il avait à l'intérieur. Alors attends, juste Toff, excuse-moi parce que c'est important quand même. Je rentre parce que je suis parti chercher j'avais mal au crâne. Donc je vais chercher un produit chez Toff, enfin des médicaments hein, pas un produit illicite. Il faut savoir que Polo est sponsorisé par Nurofen, hein. Exactement. Et je lui dis mais Toff, ça pue la merde. Il me fait et alors? Ça sent cette odeur dans tous les épisodes. Dans tous les ED, ça sent cette odeur-là. Je dis alors là, je voudrais bien voir ça quand même. Hein. Ils mettent ça exprès. Eh ben oui, tu crois quoi? Oui, c'est un parfum caca. Donc voilà. C'est-à-dire, on peut l'acheter. Tu vois, chez Abercrombie, t'as le parfum Abercrombie. Bah, chez Ibis, t'as le parfum caca. Non, mais on déconne. Ils vont être contents. Bah attends, mais c'est toi qui le dis. Moi, j'ai très bien dormi. Hein. Bah moi aussi, j'ai très bien dormi. Ça a un peu senti la merde à cause de toi, mais sinon, dans l'absolu, il n'y avait aucun problème. Hein, sauf notre ami asiatique à l'accueil qui a voulu m'escroquer de 10 €, je tiens à le rappeler. Bon, Mathieu, donc alors toi t'as la panne sexuelle, on va demander aux filles et aux garçons si ça leur est déjà arrivé. Et puis surtout si vous êtes déjà tombé sur des gens qui étaient effectivement pas très propres, même si à première vue, eh ben, ça vous a pas marqué plus que ça. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Mathieu, reste avec nous. Et puis ah oui, j'ai une info aussi pour les appels de Toff dans quelques minutes. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver là. Ah bah c'est-à-dire que si tu le sais pas, c'est que tu dors dans une grotte. Hein. Bah exactement, mais ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous allez faire les filles pendant le match. Hein, qu'est-ce que vous allez faire pendant les matchs, les filles? Je demande ça parce que selon un sondage, bah, qu'est-ce que tu vas faire, Sandro, pendant les matchs? Pendant les matchs hein. Les matchs de la Coupe du Monde. Bah, le football. Bah, ça va pas changer grand-chose si j'ai pas de mec. Oui, bon, enfin, imaginons que t'es un mec. Bah, je vais aller faire du repassage. Bah, voilà, mais exactement. Et ben, merde, et ben, 30% des filles vont faire leurs ongles. Ah, bah oui, forcément. Et 12% promettent une petite gâterie à leur mec en cas de victoire. C'est pas mal. Ah, oui, c'est sympa. Ah, moi, je. S'il y a des filles qui veulent regarder avec moi les matchs. Mais moralité, mieux vaut être supporter. Évitons la France, mieux vaut être supporter du Brésil, de l'Allemagne, de l'Espagne éventuellement. Il y a moyen de baiser plus. Il y a moyen de mettre plus de cartouches là. Donc venez nous dire les filles ce que vous allez faire pour la Coupe du Monde. Et puis Batov, tu vas demander à tes amis s'il y a du sexe prévu à la maison. Ah bah voilà. Évidemment. Exactement. Mais va te faire mettre une petite au cul, enculé que tu es. Voilà, donc on va en parler évidemment. Donc restez bien sur Fun Radio. Il est 23h29 sur Fun, restez. Et là, Mathieu, Tom, Ludo et Romain pour la colle. Et puis on s'écoute le son. Attention, ladies and gentlemen, c'est du tout nouveau ça. David Guetta et Showtech maintenant, c'est Bad qu'on écoute tout de suite. 23h29, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Ah, il est excellent, nouveau Guetta et Showtech. J'allais dire Guetta et Guetta, c'est le mec qui fait un duo avec lui-même. David Guetta et Showtech avec Bad sur Fun. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et dites-moi surtout si vous voulez qu'on vous le remette avant 2h du matin. Ah, il me reste dans la tête. Non, moi j'ai bien aimé. Ouais, moi vas-y, on le remet là. Ouais, peut-être qu'on va le remettre encore, tiens. Bah, si vous voulez, on vous le remet avant minuit. Si vous voulez, on vous le remet avant 2h du mat. On verra, voire même deux fois encore. On verra bien. Bon, vous de vous demandez, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et évidemment, avec le hashtag MIKL sur Twitter. N'hésitez pas, il y a Antoine. C'est quoi le nom de la musique qui vient de passer? Message de bienvenue, s'il vous plaît. Je suis nouveau également. Bah, bien sûr, Antoine. Mais va te permettre une pute au cul, enculé que tu es. Voilà, Antoine. Donc, c'était le nouveau David Guetta avec Showtech. Et puis c'était Bad, voilà, pour le titre, pour ceux qui viennent de débarquer. Aucun problème, suffit de demander. Il y a également Mr Steven. J'avais pas encore entendu le son de David Guetta et Showtech. Faut avouer qu'il est excellent. Mélanie qui dit une tuerie votre son. Et Lisa qui dit je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît. Mais bien sûr Lisa. Espèce d'enculé va. Voilà, Yanis également. Toff a raison, dans l'ibis de ma ville ça sentait de la merde aussi, je suis plié. Ah, et c'est possible après que le gars d'avant ait aussi eu quelques petits problèmes gastriques, ouais, ou il a peut-être récupéré ma chambre. Bah c'est possible. Et SBFlux qui dit oh oui, mon premier mec, il avait le paquet qui avait une odeur horrible. Oui, mais vous voulez savoir justement les filles, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des... Et même les garçons, hein, est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui avait l'air comme ça au premier abord, propre et sentait bon? Et puis quand vous avez déballé le paquet, bah, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, comment vous dire, qu'il y avait encore des araignées, quoi. Ah oui, ça c'est horrible. Des odeurs un peu nauséabondes. Oh. Voilà. Et Manu qui dit, moi mon téléphone, je le mets en mode avion. Ah bah comme moi, ça c'est très bien. Et Gaëtan, je l'éteins mon ordi. Attends, c'est quoi? Je l'éteins, mais mon ordi reste allumé pour écouter Fun Radio. Je te kiffe, Mickaël, et dédicace au collège Albert Camus. Merci Gaëtan, ça c'est une bonne idée ça. Tu m'as pas dit où il était le collège Albert Camus, malheureusement. Bon, on va faire les appels avec Toff, du coup, hein. Premier appel. Mais allons-y. Puisque la grande question que je viens de mettre sur le Facebook de l'émission également et sur le Twitter à laquelle je vous demande de répondre, qu'est-ce que vous allez faire les filles pendant la Coupe du Monde, puisqu'un nouveau sondage très intéressant est sorti qui dit que 30% des filles vont faire leurs ongles et que 12% promettent une gâterie à leur mec en cas de victoire de l'équipe de France. Et c'est pas mal du tout même. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, j'imagine. Donc on va appeler des gens maintenant pour leur demander ce qu'ils vont faire, hein, pendant la Coupe du Monde, sans surtout leurs femmes quoi. Oui, enfin en couple. En couple, évidemment, voilà, c'est ça. Bon, on appelle grâce au numéro que vous nous avez évidemment laissé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, premier appel, et on récupérera Mathieu juste après avec la panne sexuelle, là, et les odeurs aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Fait une pierre deux coups. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je vais savoir si, en cas de victoire des Bleus, votre mari aurait le droit de vous faire la... Honnêtement, vous me cassez les couilles à cette heure-là, franchement. Je suis au lit, je travaille demain. Bonjour, bonne soirée, au revoir. Vous n'avez pas répondu à ma question, madame? Eh ben, bonjour, hein. C'est, je dis bonjour à la fin, c'est bien. Bon, on va la rappeler, du coup, maintenant qu'elle est réveillée. Mais allons-y. Allez. Tu devrais essayer en lui disant au revoir, au début. C'est vrai? Oui, au revoir, madame. Oui, si. Allô? Oui, je m'excuse, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez pas répondu à la question. Non, mais franchement, j'ai pas envie de répondre à votre question, j'ai des enfants qui dorment et moi demain je me lève à 4h du matin. Bah oui, d'accord, mais alors bon, vous êtes pas à 5 minutes. Cette heure-là, franchement, ça me fout les boules. D'accord, mais là maintenant que vous êtes réveillé pour répondre à ma question. Non, franchement, j'ai pas envie de répondre, vous êtes vraiment casse-pied là. Oh non, madame, enfin pas de ça entre oui, nous. Oui, monsieur. Oh non. Non, c'est enfin pas gentil, madame. Non, répondez à ma question avant. Allô? Franchement, vous me cassez les pieds. Si mon mari se lève, tant pour vous. Bah d'accord, mais répondez à ma question, comme ça on n'en parle qu'est-ce plus, madame. Qu'est-ce que vous voulez avec votre question à 2 francs, là? Bah je voulais savoir si votre mari aurait le droit de vous faire l'amour pour fêter une victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah c'est juste pour savoir, madame. Bah ça vous regarde pas, au revoir. Bah non, répondez à la question, madame, je suis obligé de rappeler. Non, je vous rappellerai, non. Bah si, je vais rappeler, si vous rappelez. Ça vous regarde pas. D'accord, je sais que ça me regarde pas, mais vous pouvez répondre à la question. Ça vous regarde pas, arrêtez de me faire chier. Je vous fais pas chier, je vous pose une question, vous répondez pas. Ah, elle ne répond pas là. Bah, ah, non, elle décide de ne pas répondre du tout. Hein. Ah, mais on la rappelle. Bah, en même temps, ça te regarde pas. Oui, mais on la rappelle. Bon, on va la rappeler alors. Allez, c'est parti. Allez, hop, on y retourne. 23h37, retour avec Mathieu après. Il y aura Abdel également par rapport aux odeurs. Vous avez demandé. Oui, dites-moi oui ou non, mais me dites pas. Me dites bon, pas. Écoutez, si vous continuez à faire chier votre monde, votre numéro de téléphone sera donné à la police. D'accord, mais vous voulez pas répondre à la question plutôt, monsieur? Oh, t'as un problème, mon grand? Tu viens voir, je vais te casser la gueule en deux. Bah, attendez monsieur, moi je vous appelle. Allô? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, c'est une grande question évidemment. Bon, on va le rappeler parce qu'en plus on était tombé sur monsieur, il a l'air vachement plus rock'n'roll que madame. Il est adorable. Mais oui, je le voudrais comme ami. J'imagine. On le rappelle immédiatement. Bah alors. Il croche plus, lui, là. Bah il est grand. Oh non. Bah si. Ça c'est le coup. Bonjour. tant pis, c'est pas grave. Oh, il avait, oh, il avait l'air sympa. Bien en plus, le monsieur, là. Je suis déçu. Bon, dans la, pendant la Coupe du Monde, je me ferai sucer. C'est le TKL qui a envoyé le message. Très bien. Et bah, Eric aussi qui dit on a tendance à le garder près de nous par réflexe. Il sert souvent de réveil. Oui, mais voilà, moi aussi, je garde mon téléphone à côté de moi quand je dors, mais je l'éteins. Enfin, je veux dire, je le mets en mode avion et je mets le réveil au besoin. Ah ouais, non, moi, je le mets loin. Non, moi, je le mets à côté, comme ça, il sonne et il n'y a pas de problème. Enfin, il sonne le réveil, je veux dire, en cas de besoin. Nancy aussi qui dit où tu mets ton téléphone la nuit. La première réponse qui me vient, c'est dans son cul. Merci, Nancy. sur le Facebook. Clément également. Enfin, vous retrouvez Mickaël. J'étais parti 2 semaines au Brésil. Mon téléphone toujours éteint la nuit à cause des ondes. Ah, toi, t'es au Brésil, Clément. Qu'est-ce que toi, oh, vous, là-bas, bon au Brésil dia, est-ce que toi, vous, des hommes que le fait femme et de la femme qu'elle fait homme, viens nous dire tout ça, que je n'ai pas été encore au Brésil et je voudrais voir à quoi ça ressemble après, avant de la, pour l'aider. Bon. C'était clair ou pas? C'était très clair. Parfait. Il y a Grill sur compris. Twitter qui dit moi, il est allumé sur ma table de chevet. Et Mallory également sur Twitter, je peux vraiment plus me passer de cette émission, ils me font trop rire. Oh, merci beaucoup, Mallory, je te fais des gros bisous. Bon, Mathieu. Ouais. Ouais. Mathieu qui nous avait appelé parce qu'il avait une panne sexuelle, mais en même temps c'est normal vu qu'il nous a expliqué que en gros il est sorti avec une meuf qui puait de la gueule et que bah c'est à partir de ce moment-là que c'est retombé. Et nous avons justement Abdel qui est avec nous de Maubeuge dans le Nord. Salut Abdel. Salut Michael, c'est Abdel. Comment ça va? Ça va et toi, tranquille? Ouais, tranquille Michael, il va bien, t'as vu? Ouais, tranquille Abdel. Bon alors, est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf qui... On est là, à Bobage, on est là, direct sur Facebook. Exactement, oh Abdel. Bon Abdel, est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf qui t'es pas très propre une fois que t'as déballé le paquet? T'as le délire Michael, hier moi, comme j'expliquais à ta copine, là, j'ai hier, c'est avec une meuf. Bah je commence à j'étais là moi avec elle, puis ça j'avais au niveau des seins, il y avait une odeur, je pensais que je t'ai pris de la poubelle quoi, ça puait, et au niveau du tonton droit en fait il y avait une croûte. Oh. Et, une petite croûte avec il y avait quelque chose dedans, je pense que c'était de la chantilly, je pense. Oh, dans sur elle, enfin dans la croûte, dans le... Ouais, dans la croûte, quoi, ou peut-être j'ai vu une migale sortir, je sais pas si c'est une migale ou une tarentule, mais putain, c'était pas trop chaud moi. Non ben c'est ça, en fait elle était bien sale. Ouais, elle était dégueulasse, ouais. Non, mais la migale, c'est pour une vanne, enfin, il y a vraiment de migale. Elle avait l'air potable, tu vois, elle était bonne, tout ça, mais dès qu'elle s'est déshabillée, c'est là le drame est arrivé, quoi. Le drame est arrivé, quoi. C'est pire qu'un tsunami, quoi. La culotte, elle est restée collée. J'ai dû la découvrir avec un des tapissiers, là, tu vois, là. Ouais, avec un des tapissiers, un truc qui met un peu d'eau, là, tu vois, un peu de vapeur. Ah voilà, oui que, il en fallait de la vapeur, bon, j'ai lâché une caisse, tu vois, pour que ça dégage tout ça. Non mais le pire c'est quand tu vas chez une, tu sais, une meuf pas trop mal, tu sais, qui est bien apprêtée, qui a l'air propre sur elle, puis t'arrives chez elle, et en fait tu vois c'est dégueulasse par terre, tu vois que tu sais genre il y a de la poussière partout et tout, tu dis putain, si elle s'entretient à l'intérieur comme c'est là, ça doit vraiment être horrible. Mais faut, ouais, mais c'est peut-être pas toujours le cas non plus, hein. Attends, parce qu'il y a Jordan également avec nous, la bouge pas Abdel, hein. Jordan également de Flouin dans les Ardennes, salut à toi Jordan. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon. Bien, Lucky. Eh bah plutôt pas mal Jordan, on s'est pas cassé la gueule, tranquille. Je remercie encore la station à Orsière 1850 de nous avoir accueillis. Et les auditeurs qui étaient passés, notamment Emmanuel, qui était là et qui venait de Bagnoles sur 16. Voilà, et qui nous invitait à faire l'émission en direct de chez eux. Donc peut-être que la prochaine fois on ira là-bas. En plus il y en avait un dans les potes qui était gendarme, oui. Et qui avait promis à Toff de le taser. Oui, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je vais voir si on va aller faire l'émission là-bas, ça pourrait être drôle. Bon alors Jordan, est-ce que t'es tombé aussi sur une meuf qui avait des odeurs un peu nauséabondes? Oui, voilà, tout à fait. Alors moi en fait j'étais bien tranquille là en petite soirée en boîte tranquille, hein. Et donc je suis tombé sur une meuf sexy, bien, tout nickel, cool et tout, la bonne la chat, hein, tranquille. Ouais. Et donc c'est tout, on parle là, on discute et tout. Puis à un moment elle dit elle vient boire un verre à la maison, tout, on rentrait tranquillement. Puis ça, c'est vrai que là c'est parti un peu, on va dire chaud. Et au moment où ça commençait à être chaud, c'est vrai que c'était vraiment une fille belle à regarder et tout, mais au moment qu'elle s'est déshabillée, j'ai vu une botte de foin se dérouler de ses bras. Ça m'a fait peur. Et c'est vrai que bon, c'est tout. Donc moi, j'ai laissé tomber. C'est vrai que ça sentait pas très très bon, hein. Et au moment du vapeur, j'ai vu ça culotte. Plein de merde, quoi. Oh, la trace de freinage. Quelle horreur. Enfin, là, il y avait tout le pneu, à mon avis, hein. Ça m'a choqué. Et je peux te dire que j'avais le braquemard, mais je l'ai plus. Tu vois, Mathieu, c'est le même problème. En pire, hein, pour le coup, là, chez Jordan, mais c'est le même problème, Mathieu. C'est pas grave, ta panne. C'est arrivé un jour, mais c'est normal. Il y a une explication. Elle est pas arrivée comme ça, gratos. Non. Bon, bah voilà. Je pense que tout le monde, c'est pareil, hein, je pense. Ah oui, mais c'est clair, mais moi aussi, je serais le premier à avoir un problème. Moi, j'y veux. Rien à foutre, moi. Eh ben, merci, Abdel. Alors, merci, Jordan, également, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ok, bah, y a pas de problème, ça marche. Salut, Jordan. À bientôt, allez, et des bisous à toi aussi. Ciao. Et puis, Mathieu, bah, tu reviens aussi quand tu veux, donc t'inquiète, no stress. Ça marche, pas de soucis. Salut à toi, Matt. À bientôt. Ouais. C'est possible d'avoir des petites photos avec des dédicaces de vous? Mais bien sûr, on va te filer le pack fun, je te renvoie chez Sandro Standard, ça roule. Salut, salut. Allez, merci. Allez, ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Avec le son de Nervo qui arrive, ce sera Revolution. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Yes, on est sur Fun Radio, il est 23h48, là, bienvenue, si vous venez débarquer, il y a Thomas qui dit ce son est michaelement bon. Fun Radio de baisse, ça donne envie de danser. Bonne soirée à toute l'équipe, on vous surkiffe. Merci beaucoup Thomas. Romain également, je sens tof d'ici. Oui, bah bon courage. Il ouvre la fenêtre, ça va aérer un peu. Hugo qui dit, je vous écoute depuis le début de l'émission et je n'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Ce n'est pas normal, ça dit donc. Bah je vais t'en mettre un, tu vas voir. Et tu vas pas être déçu. Ça va te faire enculer, connard. Eh ben voilà, Hugo, il y a Enola aussi. Salut, je suis nouveau. Je peux avoir un message de bienvenue également et je dédicace ça à ma femme et à ma fille. Eh ben bien sûr, Enola. Alors attends, je vais t'en mettre un petit, tiens, hop là. Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Eh ben voilà, et Mathieu dit, Mickaël, faut repasser le nouveau David Guetta, il était lourd. Oui, je le remettrai tout à l'heure avant 2h. Terry aussi, à la place de Jordan. Même moi, j'aurais plus la barre. Tu m'étonnes, Xavier aussi. Trop top, toute l'équipe. Merci pour vos messages. Vous êtes nombreux là déjà ce soir avec tous les tweets et tous les messages que vous envoyez, notamment sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel également, pour tenter de repartir peut-être avec une GoPro. Romain est avec nous, Romain. Ouais. Bon, on y va donc pour gagner la GoPro. Il faut que tu balances la colle, Romain. Répète-la. Qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Alors, qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Alors, on proposait une... C'est Guillaume qui proposait une vache qui crie plus fort qu'un cochon pour la question. Non, il y a Titouan aussi qui dit ma sœur quand elle pleure pour la colle. Non. Non plus. Un éléphant. Non. Une femme qui jouit. Non plus. Ou encore ma meuf. Enfin, c'est lui qui a dit ça, pas moi. Non. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, hein, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. facebook.com/mikaelofficiel. On donne la réponse avant minuit 30 et la GoPro sera peut-être pour toi, Romain, je te le souhaite en tout cas. Ok. Salut Romain, à tout de suite. Donc vous envoyez votre réponse, si vous passez à l'antenne avec la bonne réponse, vous gagnez et Romain perd la GoPro. Et si jamais personne ne passe ou que personne ne décroche ou que personne a la bonne réponse, eh bien c'est Romain qui repartira avec la GoPro. On parlait des téléphones également tout à l'heure là. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone portable la nuit? Est-ce que vous le coupez? Est-ce que vous le dormez avec? Est-ce que vous le laissez allumé? Vous le mettez sous l'oreiller, etc. Il y a Ludo avec nous d'Ajaccio là. Comment ça va Ludo? Et toi? Ça va très bien. Tiens, tu savais que, j'imagine que oui, que Toff était recherché activement sur toute l'île de beauté. Ah, ce serait pas étonnant de sa part. Ah bah oui, je te le confirme, avec tous les Corses qu'il fait chier tous les soirs quasiment. Mais ça fait longtemps. Vu l'odeur qu'il doit lâcher en plus en même temps de ça. De quoi? Vu l'odeur qu'il doit lâcher en même temps. Oui, ah bah c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, on le reconnaît, c'est un peu comme le putois. Oui. Toi, quand il arrive, quand il arrive, tu reconnais directement la bête. Non mais oui. Non mais on rigole. Mais pour le coup, le coup de la chambre d'hôtel hier, franchement, je me dis c'est pas normal. Bah non, ça chlinguait trop. Il y a des trucs, ça doit sortir. Il y a des trucs pas catholiques qui sortent de ton bide. Bah c'est pas que de mon bide. Hein. Non bah oui justement ouais. Bon alors du coup tu fais quoi toi Ludo avec le téléphone? Mais moi il est toujours branché 24/24. Toujours branché, que ce soit même pour le charger et tout ça, même la nuit, toujours branché. Et pourquoi tu le laisses toujours allumé éteint-le comme ça, t'es pépère, t'es tranquille. Mais je suis toujours pépère, à part si on a besoin de moi. Donc oui mais justement, et c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut pas dormir avec le téléphone allumé, parce que sinon ton subconscient est toujours en alerte, puisqu'il se prépare à être interrompu pendant le sommeil, à un coup de téléphone, à un message, à un truc urgent ou pas, donc du coup tu dors mal. J'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de tout ça, donc. Non, mais justement, mais en fait, parce que à mon avis, je pense, après, je suis pas médecin, hein, tu t'es habitué, essaie de dormir sans téléphone et tu vas voir qu'à mon avis, tu vas être plus tranquille. Après, tu peux le faire avec les iPhones, je sais pas si tu peux le faire avec d'autres, c'est couper ton téléphone, enfin, tu le laisses allumer, mais tu peux, tu sais, tu mets en mode avec la petite, la lune, là, on appelle ça encore. Do not disturb. Ouais, do not disturb, ne pas déranger. Ah, je connaissais pas. Donc en fait, tu le laisses, c'est normal, tu peux pas connaître, t'es encore en iOS 5, espèce de vieux con. Et donc, du coup, tu pousses sur la petite lune. Et en fait, tu peux configurer le truc pour, par exemple, il n'y ait que ta mère qui puisse téléphoner. C'est-à-dire que si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, ça va te répondeur. Et si c'est ta mère ou ta femme ou je sais pas qui appelle, boum, là ça va sonner à ce moment-là. Ouais. Par contre, ça évitera à tous les connards de te faire chier. C'est genre, oui, bonjour, c'est WeTelecom, je vous appelle pour vous offrir un nouvel abonnement. Je m'en branle. Mais justement, en parlant de ça, Polo a décidé de faire un bond dans le monde de la technologie. Non. Si, puisqu'il a décidé de changer d'opérateur pour avoir un iPhone 5. Non, j'ai décidé de changer parce que je ne veux pas donner de l'argent à Numéricable. Ah oui, parce qu'il est chez SFR et que ça a été racheté. Bon, il n'aime pas. Enfin bref, une histoire. Ouais. Bon, bah, il faut en profiter pour changer de téléphone. Ouais, oui, je vais changer. Je le croirai quand je le verrai. Bon, Ludo, bah, écoute, bah, tu peux continuer à dormir avec ton téléphone, mais sache que ce n'est pas bon. D'accord, ça va. Voilà, comme ça le message est passé. Salut Ludo. C'est possible de passer une petite dédicace aussi. Bah écoute, bah vas-y, il y a une seule personne, hein, choisis la bonne. Et je voudrais passer une petite dédicace à Aurore qui est à l'hôpital en ce moment. Oh, bah qu'est-ce qu'elle a? Des petits soucis de santé, donc voilà. C'est qui? C'est ta meuf, ta soeur, ta fille? Non, elle est une très bonne amie. C'est une très bonne amie, d'accord, ok, bah bon courage à elle, alors très bien. Merci Ludo d'avoir pensé à elle. Merci. Salut, à bientôt Ludo, ciao à toi. Bye, et tous les messages qui arrivent encore sur le Facebook, évidemment, sur le Twitter, il y en a beaucoup. Avec Megumi également qui dit pour la colle, c'est facile. C'est une fille qui voit Mickaël, il est tellement magnifique qu'elle crie plus fort que toute une porcherie. Oh merci Megumi, c'est tellement vrai. Et c'est bien d'avoir des auditeurs avec les yeux en phase des trous. Ouais. Mais oui, c'est vrai quand même. Bah, ils savent qu'il y a le beau gosse, hein, Mickaël. Et oui, et encore... tu sais que moi-même à l'Ibis, là, il y avait un miroir, moi-même je me suis dit putain. Elle ne t'a je pas me baiserais vu si j'étais sur ta planche avec ton armure, ah, et avec l'armure et tout. Descendant sur la montagne, comme ça. La folie totale. Quel talent. Vous êtes les meilleurs, je vous écoute depuis août 2013. Est-ce que je pourrais avoir un... Attends, comme ça t'as l'impression qu'on est là depuis 1000 ans en fait. Ouais. Alors qu'en fait non, en fait ça fait 8 mois. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue s'il te plaît? Et un truc, ne change rien, tout est nickel. Oh merci beaucoup, petit message de bienvenue avec plaisir. Voilà. Bon, il y a Alexandre aussi. Moi je garde mon portable sous mon oreiller. Mickaël, surtout ne change rien, vous êtes les meilleurs. Mais c'est gentil. Et puis arrêtez parce qu'on va finir par croire tout ça, hein. Ben oui. Bah oui, à force de le dire. Il y a JB aussi qui dit mon phone reste allumé, c'est mon réveil et on sait jamais, on peut recevoir un appel urgent. Oui c'est vrai, on peut recevoir un appel urgent. Mais c'est arrivé 2 fois pour l'instant, j'ai reçu un appel urgent. Ouais. Et c'est pas un truc qui était vital, tu vois. Si, alors si, c'est arrivé une fois où c'était vital. Ah. Si, si, alors je vous explique. C'est-à-dire que, non, mais c'est con, hein, mais. Donc je dors, j'étais en train, je m'endormais. Donc c'était d'accord. Il y a 2 ans, on travaillait le matin avec Tof, donc du coup je m'endormais comme les vieux, hein, je crois qu'à 9h30 je dormais. Ouais, c'était dur. Comme ça, c'était une c'est horreur. Dur. Bah oui, oui, mais mes amitiés à tous les collègues qui font le morning de Fun ou d'autres radios. Mais... Vous avez beaucoup de courage, on l'a fait 2 ans, on a failli se pendre avec Tof, mais bon, oui, ça s'est bien passé. C'est en fait, ta vie s'arrête. Voilà. Et donc, alors histoire. Donc déjà, c'est une histoire angoissante. Que donc ma meuf dormait pas à la maison parce qu'elle travaillait ailleurs. Enfin bref. Et donc la fameuse histoire. Oh là, ouais. Alors je vous explique. On peut pas avoir une musique horrible. Oui. Si on musique peut. Musique de cauchemar. Non mais alors attends. Donc hop. Ah. Voilà. Donc là, ou alors celle-là. Écoutez bien. La version originale. Celle-là est mieux parce que écoutez bien cette histoire. Ou alors celle-là. Tof, j'aime bien celle-là. Toi qui es spécialiste de l'horreur, Tof. Moi je préfère celle-là. Ouais, attends, je vais voir si en tapant peut-être horreur dans la machine, j'ai peut-être mieux. Attends, je sais pas. Ah bah non. Ah, ok, pas mal ça. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pas mal aussi, c'est bien angoissant ça. American Horror Story. Ouais, non, on va plutôt mettre l'autre. Partons sur du classique. Voilà. Voilà. Donc, je suis pépère. Je suis dans mon lit, je regarde la télé tranquille. Jusqu'au moment où je me dis, au moment où je rentre dans mon lit, je vais éteindre mes téléphones, comme ça je suis tranquille. Hop, et après je m'endormirai comme une merde devant la télé, comme d'habitude. Et puis en fait, non, je n'éteins pas le téléphone. Parce que je me dis que, je sais pas pourquoi j'éteins pas le téléphone. Oh. Voilà, donc tout va bien, je regarde la télé tranquille, je sais plus si je regardais une connerie, mais enfin c'est pas important. Et là, que se passe-t-il? Le téléphone sonne. Assez improbable, en pleine nuit, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Téléphone sonne. Bon, oh mon dieu! Le téléphone n'avait pas cette sonnerie-là, mais enfin c'est un détail. Téléphone sonne, je regarde, effectivement c'était ma copine, je décroche, hop, allô, hein, tranquille quoi, je me dis bon, elle va peut-être pouvoir dire bonne nuit ou un truc comme ça, c'est cool. Et en fait là elle était en pleurs, elle me dit, hey, elle était en pleurs, je me dis qu'est-ce qui t'arrive? Et puis ouais, je suis tombé. Non, elle m'a dit, mais je me suis coupé. Oui, bon, bah, c'est pas grave, mais j'ai l'impression de me parler. Non, mais j'avais l'impression de me parler à moi au téléphone. C'est genre, j'appelle ma mère parce que je me suis ouvert le doigt. Enfin, bref. Donc, j'y vais, c'est pas grave. Et puis, elle me dit, non, mais je me suis super ouvert, je sais pas quoi. Je dis, mais comment ça? Et puis, elle essaye de m'expliquer, puis le téléphone s'arrête. Enfin, tu sais, ça coupe. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'essaie de la rappeler, c'est le répondeur. Et puis, finalement, elle me rappelle de nouveau. Entre temps, elle était tombée dans les pommes. Donc elle m'avait rappelé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc du coup, ben, j'appelle un pote qui habite pas loin de chez elle pour qu'il aille voir. Entre temps, elle avait quand même réussi à appeler l'ambulance. Alors qu'est-ce qui s'était passé en fait? Elle était tombée sur une table en verre. Et donc la table avait cassé en morceaux. Et donc il y avait une espèce de. Comment on appelle ça, un morceau de verre, mais ouais. En pointe quoi. Oh là là. Qui est, en fait, et qui lui a passé, comme s'il avait voulu se suicider en fait, ça lui avait coupé l'artère du bras, enfin tu sais, de l'avant-bras là, où il y a les veines, où il y a le poignet quoi. Et donc, du coup, en fait, il y avait l'artère qui était ouverte, et donc, comme il y a, avec les battements de cœur, ça faisait les. Oui. Tout sortait quoi. Non, mais... Oh les bruits là, Non, mais t'imagines un peu déjà. Alors, déjà, la première chose, si j'avais coupé le téléphone. Bah, elle aurait appelé quelqu'un d'autre. Peut-être, mais en même temps, elle est tombée dans les pommes deux fois, donc même prix, elle aurait pas pu appeler quelqu'un d'autre. Donc du coup, je suis son sauveur. Oh. C'est vrai. Et donc, résultat, tout ça pour dire aussi. Je suis un surhomme, Mickaël, mais tout ça pour dire également aussi que, imagine quand même la mort de merde. Oh ouais, si jamais, tout le monde aurait cru qu'elle s'était suicidée. Bah oui. Bah oui, parce alors, que t'as qu'au le final, mais c'est vrai. Et surtout, je n'aurais pas eu l'assurance vie. Non mais le pire c'est pour toi. C'est l'enculé. Le pire c'est pour toi parce que la dernière personne qu'elle aurait essayé d'appeler c'est toi. Ouais c'est ça. T'imagines c'est le choc psychologique derrière. C'est clair. Alors que j'ai laissé mon téléphone avant, je l'ai salué puis je l'ai coupé. Et là tu te dis putain quand même c'est violent. T'imagines c'est vrai que si j'avais pas été à mon téléphone bah voilà. Bon heureusement tout va bien mais quand même c'est violent. Déjà quand c'est un accident tu te dis putain j'aurais dû faire ça. Si j'avais été là blablabla. Si j'avais été là ça serait fait comme ça. En plus elle m'a appelé j'aurais pu lui dire ça. Ouais mais là non. Là t'aurais été dans une galère. Grave. Putain un truc de ouf. J'aurais pas dû toujours. Non mais c'est pour la vanne. Bon, il y a des beaux. Contente, on lui enverra les. Il y a des beaux qui dit Mickaël, veux-tu m'épouser? Je t'écoute, réponds en live. Bah là non, des beaux parce que je pense que ma copine va griser. Ludwig aussi qui dit moi je mets do not disturb et je mets le plus loin de moi au possible le téléphone. Ah oui, oui parce que si tu le mets en do not disturb, du coup bah il y a quand même les ondes malgré tout. Ah bah oui. Bah forcément. Emmanuel également qui dit quand tu veux Mickaël, avec plaisir, on vous attend l'équipe, c'est quand vous voulez. Ah oui, Emmanuel de chaque fois j'oublie. Bagnole sur 16 qui était passé nous voir à Orcières ce week-end au ski, qui nous invitait chez eux, enfin chez elle et chez son mari, la famille, tout ça, enfin bref. Et pour faire l'émission en direct de là-bas. Ils nous ont promis de taser Toff. Oui, exactement, oui. Alors rien que je vais faire le forcing pour y aller. Oh là, en même temps, le sous-chef qui était passé nous voir hier à Grenoble, il devait vraiment se faire chier en sa vie. non mais c'est vrai, nous a dit que c'était bon. Hein. Bah oui, il avait un grand sourire, il a dit d'accord. Ah il l'a dit. Et Amel 15 qui dit mon ex me demandait souvent pour que je lui fasse quelque chose, mais il pue le pipi, ça me dégoûte, je pouvais pas le faire. Bah oui, mais il faut se laver à un moment ou à un autre. Hein. Et Niwo 38 qui dit je le mets en mode avion et en dessous de mon oreiller le téléphone. Ah d'accord. Bon bah en mode avion ça va à ce moment-là, t'es tranquille. Bon on va prendre Camille aussi dans quelques minutes. Salut Camille. Oh là là, ça y est, Camille, faut couper ton téléphone. Coupe la radio, Camille. Ouais. Ça va, Camille? Bien, toi? Bon, très bien. On va parler de quoi dans quelques minutes, Camille? Mais en fait, j'aimerais savoir ce que je risque si je fais pas mes tiges, en fait. Si tu fais pas tes quoi? Mes tiges. Tes piges? C'est quoi des piges? Des travaux d'intérêt généraux. D'accord, ok. Bon ben reste là Camille, on va en parler dans quelques minutes. Robin avec sa colle également dans quelques instants. Et puis Tom également qui est avec nous là. Salut Tom. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? C'est avec Florian. Ouais, qu'est-ce qui va pas avec Florian? Je vous ai appelé hier soir déjà. Ouais, mais donc? Et donc, il se masturbe sur une photo de toi. Comment ça, sur une photo de moi, de Polo? Non, de toi, Mickaël. De Toff? Mickaël. Mickaël Youn? Toi. Mickaël Youn? Non, toi. Jackson. Mickaël Jackson? Non, toi. Mickaël G. Fox? Non, toi. Jordan? Mais Mickaël Jordan? Non. Bon, je vais me pendre. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Mickaël Vendetta. Mickaël Vendetta. Michael Vendita? Non plus. Oh putain. Bon, on va revenir avec toi, Tom. Il faut qu'on tire ça au clair. Et il y aura le chéri, je peux te faire cocu aussi juste après. Restez sur Fun. Bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment, minuit 5 sur Fun Radio. On va bien entendu dans quelques minutes récupérer notre ami Tom qui m'a donc annoncé cette magnifique nouvelle qu'un pote à lui se branlait sur ma photo. Comment vous expliquer? Non, bah, c'est excitant. Pas du tout. Bandant. Mais non plus, n'est pas le mot que je cherchais. Dur. Il y a Evan qui dit salut Mickaël, je suis nouveau, je pourrais avoir un message de bienvenue s'il te plaît, une dédicace à Mathis. Oui, bien sûr. Il va te permettre une pute au cul, enculé que tu es. Ben voilà, Evan. Brandon qui dit le mec se masturbe sur une photo de Mickaël. C'est drôle ça, Brandon. Terry également, Mickaël, sois content d'être la muse d'un art aussi noble que la masturbation, mort de rire. Merci Terry. Enes qui dit tu devrais te flatter, Mickaël. De faire tant d'effets, mort de rire. Ah oui, oh bah je suis ravi. Et Déborah qui dit Mickaël, tu en fais bander plus d'un ou d'une. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Je préfère exciter les filles, mais c'est une question de goût, quoi. Et Drakit qui dit il n'y a pas encore eu de doux dans l'émission. Oui, c'est vrai, l'armée des doux n'est pas encore là. Les doux, ce sont les petits avec les voix non muées. Enfin, voilà, c'est ça, qui n'ont pas encore mué en l'occurrence. Ça ne possède pas de poils, c'est doux. Ça ne possède pas de poils. On va récupérer Tom dans quelques minutes. Thibaut aussi qui voulait réagir par rapport au fissal. Enfin, pas sale, mais aux odeurs en l'occurrence et aux pannes sexuelles. C'est ce dont on avait parlé en début d'émission. On écoutera aussi le son de Rebel dans quelques minutes, Black Pearl sur Fun Radio. Et il y aura aussi le son que je kiffe pour l'instant, Route 94 avec My Love. On va chiller. Hein. Bon. Enfin, tout sauf taf. Ouais. Ouais. Moi, je vais aller chier rouge. Évidemment, comme d'habitude. Et puis, je voulais passer tout à l'heure, mais ça n'empêchera pas de vous le remettre tout à l'heure avant 2h du mat, puisque vous êtes nombreux à le demander. Le nouveau Guetta avec Showtech, c'est Bad. Voilà, minuit 7 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. Et oui, la seule émission écoutable la nuit, c'est sur Fun Radio que ça se passe. 23h, 2h, tous les soirs, on est au cœur de la nuit sans pub. Et le dimanche de 20h à minuit. Avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. On va également faire un petit point sur le top tweetos maintenant. Mais je vous rappelle qu'on vous offre également tous les soirs à celui qui est numéro 1 du top tweetos, un sextoy offert par Passage du Désir.fr. Alors le principe est simple, il suffit de balancer un maximum de messages avec ce fameux hashtag et Mickaël sur le Twitter. Celui qui est numéro 1 gagne. Mais attention, avec Twitter, vous ne pouvez pas flouder. Vous pouvez pas mettre 150 000 messages d'un coup, sinon vous êtes banni pendant une heure. Je crois que c'est ça, ou ouais, deux heures. Je sais pas combien de temps c'est, parce que j'ai jamais été jusque-là, donc je peux pas vous d'accord. dire. D'accord. Bon, bah voilà, donc comme ça, au moins vous le savez. Mais bon, je alors, sais que du ça, coup, ça dure longtemps. Ouais, alors numéro 5. Numéro 5, Fred S. 34. Numéro 4. Let's be freaks. Ah, numéro 4 seulement. Numéro 3. Vive les sodomites. Numéro 2. Florian. Et très bien. Et numéro 1. Drakit. Drakit pour l'instant. Voilà, attention, ça c'est pour l'instant. À 2h du mat, on verra qui effectivement est le numéro 1 et qui repartira avec ce sextoy offert par Passage du Désir.fr. Voilà, bonne chance tout le monde, hashtag et Mickaël. Faites passer le message bien entendu. Il y a Christopher sur le Facebook qui dit yo Mickaël, tu déchires, je savais pas qu'il y en avait qui se branlait sur tes photos. Oui, bah moi non plus, mais bon, fallait bien que ça arrive. Et puis on va parler des teubés de la télé, c'est dans un lycée américain qu'on va maintenant, ils ont trouvé comment faire cotiser les élèves pour une bonne œuvre. Tu te prends pour qui de me dire ça? Je me prends pas pour qui, c'est ce que je pense. Je dois te dire que t'es lourd, je te trouve lourd, je dois te dire que t'es lourd. Voilà, après si tu veux. Alors c'était celui de la semaine dernière ça pardon. Bah oui, attends, parce qu'on n'a pas eu nouveau. Attends une seconde, on va essayer de nouveau. Hop là. Ah bah non, on fera les teubés après. Ah d'accord. Ouais, parce que je n'ai pas les bons sons, mais c'est pas grave, on les fera après, alors pas de problème. Oui mais c'est ça, c'est du sabotage, c'est rien de grave. Bon bah du coup, comme on est là, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Léa. Ça me paraît pas mal. Bah oui, évidemment, comment ça va Attends, juste un petit message, il y a Romain d'abord qui disait « Se branler sur Toff, c'est pire », voilà. Si, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est horrible. Ah ouais, je suis assez d'accord. Alors allez, moi minuit 9. J'adorerais qu'on se branle sur moi. Ouais, c'est ça, ouais. Minuit 9, on accueille Léa qui est avec nous maintenant. Là. Salut Léa. Salut. Comment ça va? Ça va, et vous? Bon, oui, ça va, oui, bah très bien, toujours quand on fait un petit chéri, je peux te faire cocu. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Un an. Un an quoi? Et demi? Et demi, oui. D'accord. T'es dans quel coin, toi? T'es dans quelle ville? Saint-Marie-sur-Mer, c'est à côté de Toulon. D'accord. Et, ok, il fait quoi dans la vie, lui? Il cherche du travail. Ah, il cherche du taf, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer récemment?

Bon, je te mets de la tapenade en plus. Vas-y. Allô Lali. Je vais lui parler. Tu sais où elle est. On va parler juste quand on va être en face, toi. Mais non, on sera pas en face. Tu sais pourquoi? Vas-y. Allez, dis non, je t'en supplie. Tu sais pourquoi? Vas-y. Bah dis non. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Non, parce que t'es sur Fun Radio. Ouais. C'est le chéri, je peux te faire cocu, Anthony, là. Bon, c'était pour rire, hein, je t'enverrai pas des packs d'olives. Hein. Et je suis toute seule aussi, Ah bah ça, je sais pas encore, hein. Après, ça reste à prouver, hein, ça c'est sûr, on sait pas, non, c'est pas vraiment. Ça va, Anthony? Ouais, deux. Bah oui, parce que ce qui m'a... Ce que je comprends pas, parce que t'es pas le premier à qui on fait la blague, hein, mais pourquoi raccrocher aussi souvent? Ils sont en route dans la voiture. Ah d'accord, ok, parce que tu dis ouais j'arrive, mais au final tu sais pas où on va, où on est. On va un peu vite, un peu difficile. D'accord, ok, très bien. Bon, alors écoute, il y a deux solutions. Bah, alors déjà on va te filer le cadeau évidemment, hein, Léa, Anthony, hein. À qui on l'offre? Vas-y, à la vie. Franchement, joli. Oh, c'est mignon. So sweet. Toto, il est gentil. Mais oui, Toto, il est gentil. Bon, tu veux repartir avec quoi? J'ai une tablette ou alors j'ai un casque de DJ. Ouais, une tablette. Ouais, la tablette. Bon, très bien. L'iPad mini donc pour vous. On va vous filer ça maintenant. Et puis bah Léa et Anthony, bah restez bien là. On va prendre vos coordonnées maintenant. Et puis bah vous revenez quand vous voulez les amoureux. Allez, salut à vous deux en tout cas. Gros bisous. Allez, merci, bonne soirée. Bon, et il y a plein de messages qui sont arrivés aussi. Ganes qui dit c'est un chéri, je peux te faire cocu à classer dans le top 10. Oui, il était pas mal. Il était bien. Hein. Il était fort, il était pas mal. Il y a Valentin qui est énorme celui-là, Soum Soum qui dit être arrivé chez soi depuis 5 minutes et rester dans la voiture pour écouter Mickaël et le chéri je peux te faire cocu, c'est des barres. Ah c'est cool, merci Soum Soum. Il y a Sophie aussi, trop fort le chéri je peux te faire cocu. Nico également, mort de rire, le gars il monte en tension là, pété de rire, des barres, Mickaël gueule, mort de rire, de la bombe, j'adore. Devers 45 il dit ferme ta gueule, eh oh bonjour, mets ta gueule, mort de rire, quel mal poli ce type quand même. Non mais c'est vrai. Il y a des gens quand même parfois qui sont très mal polis. Ah, oui. Abdou qui dit dans le top 5 direct, ah ouais carrément. Nico qui dit les olives dans son cul. Et Mister Steven qui dit les chéris je peux te faire cocu, qui me fait trop rire. Michel le marchand d'olives. Oui je fais un peu tous les métiers. Hein. J'ai déjà été businessman. Oui, businessman, ouais. Businessman, j'ai déjà été vendeur d'olives apparemment maintenant. Et Les qui dit trop bon le chéri je peux te faire cocu. Let's be freaks également qui dit un bon chéri je peux te faire cocu. À l'instant, et Adeline qui dit le soir au taf c'est Mickaël à fond dans la station. Mais quelle station Adeline du coup là? Dis-moi un petit peu. Et Alexandre aussi, énorme le chéri je peux te faire cocu. Merci pour tous vos messages, c'est cool. On va reparler dans un instant de l'angoisse suprême qui m'est tombée sur la gueule. C'est Tom et son pote qui se branlent sur mes photos. Et ça tu kiffes. Non pas du tout en fait. Mais vraiment pas du tout de chez. Pas du tout hein. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël, nos limites. Bienvenue si vous venez de débarquer. N'oubliez pas de prévenir vos potes puisqu'il y a plein de. Il y en a plein qui sont rentrés au bahut aujourd'hui là. Et oui, retour, fini les vacances. Oh, n'hésitez pas à prévenir tous vos potes qui ne connaissent pas encore l'émission. C'est sur Fun Radio 23h 2h, Mickaël nos limites, et le dimanche de 20h à minuit, car oui, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Tous les soirs, Fun Radio, 23h 2h, nos limites. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. Exactement, il y a Jérémy qui dit encore une émission qui est d'une vraie tuerie, pas envie d'aller dormir avant la fin. Ah, c'est gentil Jérémy. Bah écoute, j'espère qu'on va continuer à se faire kiffer jusqu'à 2h. Il y a Thomas qui dit aussi musique du Pirate des Caraïbes, mort de rire, je kiffe, cool le son. Yannou également, trop mort de rire, sérieux, comment tu gueules sur lui, je suis plié de rire. Et Didoudoudi aussi sur le Twitter, tu m'avais manqué Mickaël, tu me tues toujours autant. Ah oui, mais ça faisait longtemps que t'étais plus venu toi, Didoudoudi. Hein. Vous deviez pas noter le repas préparé hier chez Mathieu, c'est Niwo38, t'as bien raison de me le rappeler, Niwo38. Le repas de Polo pour... Alors, je vais commencer, hein, pour... Non, je vais laisser commencer. Et ben d'abord parce que Polo a été alors, généreux. D'abord l'état d'esprit. L'état d'esprit de Polo. Pour rappel, attends, je te laisse réfléchir. Pour rappel, on a fait un dîner presque parfait hier chez Mathieu, un auditeur. On a fait l'émission en direct, ouais, de chez lui, c'était à Grenoble. Et quand on avait été il y a un peu plus d'un mois à Noyon en Picardie, c'est Toff qui avait fait le dîner presque parfait. On l'avait noté. Je crois que la moyenne globale était de 7. Oui, 7, ouais. Si mes souvenirs sont bons, 7 sur 10. Ce qui était pas mal. Ce qui était pas mal. Et donc, du coup, maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas noté, Polo, du coup, avec ce dîner presque parfait, malheureusement. Hein. Donc, pour l'ambiance générale du dîner, je sais pas, moi, je vais mettre 7. Ouais. C'est gentil, merci. Voilà, alors bon, pour le plat, bon, il y a pas eu d'entrée, hein, mais donc on va passer tout. Ah, suite. Mais moi je suis contre, c'est un truc, je suis contre les entrées, donc c'était normal. Hein, d'accord. Je pense qu'il y a un plat, le plat se déguste tel quel, afin que sa saveur reste entière. Très surtout, bien. Surtout un si bon burger que moi j'ai adoré, donc je pense que je peux lui mettre 8. Oh, merci, Duff. Oh, quel susbite alors. Non, non, je suis désolé, ce burger était très bon. Et alors le dessert, là, je suis désolé, il y avait trop de harissa. Ouais. Hein. Je suis désolé, donc là je mettrai que 6. Ah bon, bah d'accord. Oui, parce que le dessert, bon, malheureusement, trop de harissa. D'accord. Donc ambiance générale, combien tu m'as dit? J'ai dit 7 pour l'ambiance. Donc 7, 8 et 6. Ouais. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors bon, moi je vais donner mon idée. Alors ambiance générale, je mettrai 4. Non mais quand je dis ambiance générale, ouais, c'est la beauté, les assiettes étaient relativement blanches, hein, rien d'exceptionnel malgré tout. Le repas... je mettrais 1 parce qu'il a quand même été jusqu'à la boutique chercher le truc, quoi, tu vois. Mais c'est pas de la boutique, c'est non, parce que j'ai fallait bien que je garde les trucs dans quelque chose, voilà. Donc je mettrais 1. Ouais. Et alors pour le dessert, je mettrais 3. Parce qu'il y a quand même, la recherche, du McDo le plus proche pour aller chercher le McFlurry. Et attends, c'est pas du McDo. Il a dû télécharger l'application. Voilà, c'est ça. Donc, note globale, je pense qu'on peut être aux alentours, la moyenne est de 4, non, je pense. Le sous-chef, on avait mis 0. Oui, ah bah alors, du coup, ça fait descendre à 2, alors la moyenne. Et Mathieu, là, chez qui on était, m'a dit que c'était dégueulasse qu'il allait mettre une mauvaise note. Oui, il a mis 2 sur 10. Ah, il a mis 2. Bon, oui. Bah alors, on reste à 2 en note moyenne, note globale, 2 sur 10. C'est très très bien payé pour ce qu'on a bouffé quand même. Bon, et donc j'annonce le prochain et moi-même, hein, donc. Autant vous dire que ça va être bon. Hein. Un très grand cuisinier également. Un très grand cuisinier se prépare à vous concocter quelque chose de magnifique. Attention, le prochain auditeur chez qui on va venir faire l'émission en direct, je peux vous dire que la cuisine n'aura jamais travaillé autant. Bah, peut-être que si on va à Bagnoles, on pourra faire un barbecue, ça sera plus facile. Ce sera vachement plus facile et je souhaite qu'on aille à Bagnoles sur 16, je le confirme chez Emmanuel. Drakit Kilia, il m'a fait rire le mec, et Christopher aussi, je dédicace à tous les potos du 50, qu'on est les meilleurs, Mickaël, t'adore, tu déchires. J'espère te voir une fois dans ma vie, qu'on rigole. Écoute, avec plaisir, Christopher, tant que toi tu te branles pas sur mes photos. Bon, Tom. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est assez étrange. Ah, bah je te le confirme. Arrête de te branler, Toff, espèce de gros porc. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Tom, là? Explique l'histoire. Je vous ai appelé parce qu'apparemment, il y a ton pote qui se branle sur mes photos. Quelle angoisse. Bon, alors raconte-nous, c'est quoi la photo? On la connaît ou pas? Oui, c'est celle du profil Twitter. D'accord, donc tu prends la... Explique-nous la démarche. Parce que moi, ça m'intéresse, j'enquête, j'adore ça, ce genre d'histoire, moi. Je voulais aller aux toilettes et puis je l'ai vu. Je l'ai grillé un peu. Mais c'est-à-dire, il avait la photo de moi ou c'est la photo où on est à 4? Non, non, c'était la photo de toi. Laquelle? C'est avec du profil. Une veste marron, je crois. Non, noir. Oui. C'est la veste quand il est assis là dans le fauteuil. Oui, c'est ça. Ouais. Elle a été faite dans un aéroport. Exactement. Cette photo. Alors, donc si j'avais su au moment où j'ai fait la photo que quelqu'un se branlerait dessus. Est-ce qu'il a tout un jeu de photos ou alors c'est sur cette photo je précisément? Je sais pas, tu l'as grillé. Tu l'as grillé sur cette. Alors, il sur a vu cette photo, ouais. Le sexe était sorti. Voilà. Et il faisait quoi? Mais on s'en branle. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on fait, regardez, on va en mettre plein là, regardez-les là. Ah, oui, c'est bon, je vois la photo. Regarde comme tu es beau, Mickaël. Je la vois très bien, celle-là. Et bon, et tu lui as dit quelque chose? Non, je sais pas si ma vie. Ah. Je ne sais pas quoi dire. On peut pas l'appeler? Non, on peut pas. Ah bon, pardon. Non, on peut pas. Si, attends, il pourrait. Non, on a plus de forfait. Mais attends, il pourrait peut-être nous faire une en direct. Non. Au son de ta voix. Non, ça ira. Mais jamais, mais ça va pas, non. Non, mais là, on a plus de forfait, on peut plus l'appeler, là. Ah, mais c'est pas grave, moi, je crois qu'il m'en reste un peu. Non, là, on a. Je veux bien partager pour ça. Là, on est à sec, on est vide, on est vidé du forfait. Bon, et donc, Tom, quel âge il a, le mec? 15, c'est ça qui est encore plus... Il a 15 ans ? Oui. Ça va, il a le droit de se branler. Non, bien sûr qu'il a le droit de se branler, mais pourquoi sur ma gueule, il peut pas le faire sur Toff ? Bah, peut-être c'est toi qui l'excite. Non, mais attends, le beau gosse de l'émission, c'est toi, c'est pas moi. C'est ça. Toi, hein, nous, on n'est pas beau, nous. C'est Polo le plus beau. Dis ton nom. Dis ton nom, Mickaël. Voilà. J'adore ce genre d'histoire. Et Tom, donc, qu'est-ce que je peux faire? Non, je ne peux rien faire, de toute façon. Tu veux pas un kit, Mickaël, avec plein de photos? Toi, tu te branles pas sur moi, toi, rassure-moi. Non, moi non. Bon. Je sais pas quoi faire, je ne sais plus. Bah moi je pense que le mieux c'est de te protéger quoi, Mickaël. Ah non, mais, oui. Bah, de me protéger de tout ça, oui, ça je confirme. Hein, prends un parapluie. Bon, ben bah, merci hein, Tom hein, de, nous a, oui. de nous avoir tenu au courant. Est-ce que je peux... Rien du tout, même pas en rêve. Que dalle. C'est lui qui est surpris. Mais oui, on va t'enfiler un Tom, t'inquiète. On va envoyer des autocollants de Mickaël. Yeah, oui, cool. Génial. Et mais attendez, mais c'est pas lui qui se branle, enfin j'espère. Oui, mais il donnera non, les autocollants. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je lui donnerai. Mickaël va mettre une photo spéciale pour lui. Mais que dalle, il est ouf lui, ça va pas non. Bon. J'ai la réponse à la colle aussi. Ouais, non, ouais bah tant mieux. Bon, salut Tom. Non mais non, il y en a qui sont inscrits, donc oui, tu oui, peux pas. Moi aussi, j'ai envoyé des messages. Ah bah cool, alors si on te rappelle, peut-être que tu pourras donner la réponse, sinon c'est ça. Bah tu peux te donner la réponse, mais je te dirai pas si c'est bon ou mauvais, alors ça sert à rien. Bah je dis là, je peux dire. Mais si et tu fais veux, attention mais parce que tu aides les autres. Ouais, mais tu vas aider les autres. C'est pas grave. D'accord, c'est sûr, alors, ça. C'est quoi? Alors moi je pensais à deux cochons. Bah peut-être, on verra, de toute façon en même temps je connais pas la réponse, c'est Romain qui la donnera dans quelques minutes. Voilà. Bon, et bah merci Tom. De rien. Bah avec plaisir, salut à toi, à bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye. Ah. Oui, trop tard. Il y a Thibaut avec nous maintenant là, salut Thibaut. Salut. Ça va? Ouais, toi. Très bien, bah ça va mieux là maintenant, hein. C'est ça va, c'est passé. Bon Thibaut donc du 34, comment ça va là-bas? Ça va bien, il fait chaud. Ah bah oui, il fait chaud, putain, oui, alors on était à Grenoble ce matin là, il faisait pétant de chaud. Quel violent, un truc de ouf. On est remonté en voiture, on monte, on passe à Lyon, on monte, il fait chaud, il y a plein soleil. On continue à monter, on passe à Dijon, il fait toujours chaud. On continue à monter, on passe à Orléans, il fait toujours chaud. On arrive, je vous promets, il faisait plein soleil. On passe la frontière entre guillemets où il y a marqué Paris, il faisait noir et froid. Ah oui, c'est mais on l'a vu, hein, dès qu'on est arrivé, bim, ce nuage de pollution. Non mais affolant, non mais même froid et tout, j'étais surpris quand même. Il a fait beau tout l'après-midi sur toute la route depuis Grenoble, c'est assez impressionnant. Bon Thibaut, toi tu voulais réagir par rapport à Camille qui voulait savoir ce qu'il risquait en arrêtant ses travaux d'intérêt généraux, c'est ça? Ouais. Bon alors bah du coup Camille, mais qu'est-ce que tu fous là? Comment c'est que t'allais TIG déjà? Ouais, il y a plusieurs trucs en fait. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai déclenché une alarme incendie dans un hôpital. Ah bah oui. Bah c'est intelligent ça. Pourquoi t'as fait ça, Gabi? Il y a eu un camp. Comment? Pourquoi t'as fait ça? C'est con. Ouais, parce que ça m'énervait en fait d'être enfermé là-bas. Ah ouais, alors du coup, t'as préféré faire sortir tout le monde. Ouais, voilà. D'accord, ok, bah oui, bah, vu comme normal. Ça. Non, mais vu comme ça, c'est normal. Oui, d'ailleurs, il y a l'alarme incendie à Fun qui s'est déclenchée. Hein. Bon, vous imaginez bien qu'on n'est pas sorti, puisque si jamais c'est des conneries, bon, on va pas partir, et puis si jamais c'est pas des conneries, eh bien, on crèvera en direct. Oui, et puis de toute façon, tant que le studio brûle pas, tout va bien. Voilà, exactement, oui. J'espère qu'ils ont pensé à mettre un truc anti-incendie autour du studio, une porte anti-feu. On sait jamais. Ben, j'espère, ce serait cool. Tu veux qu'on essaye pour voir? Non, ça ira. Bon, et donc, du coup, Camille, donc t'as fait ça. Donc ça, c'est la première connerie qui n'a servi à rien. La suivante? Un cambriolage. T'as fait un cambriolage? Mais t'as cambriolé quoi? Magasin de bonbons? Non, un bureau de tabac. Et t'as cambriolé quoi? De l'oseille? Ouais, de l'oseille et des garrots. Mais t'as piqué combien? Ah, il y avait que 800 euros, c'était le matin. Oh là là là là, mais Camille, mais enfin, t'es con, c'est quoi, là? Pourquoi tu fais ces conneries, là? Ben, je sais pas. Mais c'est que ma mère, elle est en galère tout, en fait. Oui, mais enfin, et alors, et c'est pas de raison, c'est pas pour autant qu'il fallait faire un braquage. Ouais. Tu vas trouve-toi un taf, et puis tu lui fileras un coup de main comme ça. Bon, et t'as fait quoi d'autre comme connerie? Ben, il y a violence sur agent. Et donc, t'as eu que des travaux d'intérêt généraux et tu veux les arrêter? Non, mais en fait, il n'y a pas que ça. J'ai pris un mois avec 2 ans de mise à l'épreuve, là, mais... Voilà. Et en fait, je sais pas, il y a un aménagement de peine ou je sais pas quoi. Mais tu ne sais pas quoi. Tu n'as pas l'air bien au courant de ta peine, hein. Ce serait peut-être bien de te renseigner, non? Surtout quand tu nous appelles en disant bah, « Qu'est-ce que je risque si j'arrête les travaux d'intérêt généraux ?» Tu te doutes bien qu'ils vont venir te chercher, hein, oui. Vu toutes les conneries que t'as déjà faites à 16 balais, là. Oui, sachant que t'as une mise à l'épreuve, quand même, non? Ouais, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils te donnent l'occasion de te racheter, et qu'est-ce que tu veux faire? Encore pire. Ouais, mais j'ai déjà fait 140 heures, il m'en reste 120 à faire, et c'est chiant, je sais pas, de travailler pour l'État. Mais tu fais quoi en fait? Oui, déjà je vais t'expliquer un truc. Déjà t'as beaucoup de chance de devoir ne fût-ce que travailler pour l'État. C'est-à-dire que pour le même prix tu étais en taule, donc estime-toi heureux. Et puis en même temps tu dois travailler pour payer les conneries que t'as faites. Ouais. Bah oui, bah voilà, tu sais, c'est comme le mec, il achète une voiture, il achète à crédit, après il va se dire ouais, mais en fait, j'ai déjà la voiture, moi ça me fait chier de payer pour la banque. Bah oui, mais non, en fait, c'est-à-dire que l'argent, tu l'as eu à un moment, tu vois. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que t'as fait des conneries, bah maintenant il faut les assumer. C'est pas plus compliqué. Ouais. Et si t'arrêtes tes travaux d'intérêt généraux, bah ils vont venir te rechercher et puis t'iras encore plus haut, et ainsi de suite, mec. Qu'est-ce que je te dise ? T'as fait des conneries, il faut les assumer maintenant. Mmh. Ah bah oui. Ce qui m'a sauvé, c'est toujours été les codes, je sais pas. De quoi ? Ce qui a toujours sauvé aussi, c'est les codes. Ce qui t'a sauvé ? Bah c'est très bien, bah tant mieux, au moins il y a ça qui marche. Bah ouais. Bon bah très bien, bah déjà n'arrête pas ça. Et tu t'es calmé maintenant, tu fais plus tes conneries là ? Non, je me suis calmé. Non, mais non, je brinque des petites vieilles au carrefour. Oh, arrête de lui donner de mauvaises idées là. Bon, hé, hey, Thibaut ! Ouais ? Bon, toi tu voulais réagir aussi, toi. Tu sais ce qui risque s'il arrête les travaux d'intérêt généraux ? Ben moi il y a 2-3 mois j'ai un pote, il allait en prison parce qu'il avait pas fait ses tiges en fait. Bah oui, mais c'est logique en même temps. C'est logique. Puisqu'en fait tu fais les travaux d'intérêt généraux pour justement ne pas aller en prison. Avec une mise à l'épreuve. Donc forcément, si tu ne les fais pas, ils vont pas t'envoyer au soleil. Ah oui, c'est ça, ils vont pas te dire hey, bah, bravo hein, on va vous envoyer en Jamaïque une petite semaine tout frais payé là. Ils vont peut-être t'envoyer à Guantanamo une semaine tout frais payé. Notre c'est dans les Caraïbes, hein. C'est sympa, mais on voit mal la mer. On voit mal la lumière surtout. Et on voit mal la lumière aussi d'ailleurs. Attends, il y a aussi Mohamed qui est avec nous d'Agen, pardon. Salut Mohamed. Je crois qu'il était à Agen. Salut Mika. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah très bien Mohamed. Bon alors, avant de faire la réponse à la colle là, qu'est-ce qui risque Camille là s'il arrête pas ses conneries ? Ben en fait, ce qui risque c'est que justement il a dit qu'il avait un mois, le mois il va le faire. Mais je l'ai déjà fait. Non, mais ils t'ont mis un mois en sursis. Non, un mois ferme. Ils t'ont mis un mois ferme et t'as déjà fait un mois ferme. Ouais, en quartier mineur. Eh bien, c'est simple, ils vont rééditer ta peine en double. Et, et en plus, ce qui est idiot, c'est que justement, puisque t'en as marre, t'as un an pour faire tes tiges. Donc j'ai dit moi. Ouais. Bah voilà, bah très bien. Donc en plus tu peux les faire à peu près quand tu veux. Mais voilà. Ouais, mais après là il y a le travailleur social, là il fait des trucs au juge ou je sais pas quoi, il fait des notes et la juge la convoque direct après. Ah bah oui, mais bon, non. Mais moi ce que je comprends pas, je peux concevoir qu'à un moment tu pètes un plomb, que tu fasses des conneries parce que tu réfléchis pas, parce que t'es jeune, parce qu'il y a plein de raisons. Mais à un moment, quand t'as déjà fait de la tôle à 16 ans mec, même pendant un mois, à un moment tu dois quand même avoir le tilt en disant putain je suis vraiment con, je vais refaire autre chose, parce qu'il y a toujours des solutions, tu vois. Ça prend plus de temps, évidemment. Alors évidemment ça prend plus de temps que d'aller braquer un tabac, ça c'est sûr. Mais il y a un moment où faut quand même, tu vois, t'as déjà fait un mois de tôle mec. Ouais. Donc, non mais surtout qu'ils lui ont donné là le moins, c'est juste pour qu'ils comprennent. Donc s'ils comprennent pas avec ça, ils vont lui faire comprendre autrement et ça va être pire que les tiges. Exactement. Sinon, il y a pire encore. Ils peuvent t'envoyer Toff, il va te bifler. Ah oui. Ça, il paraît que c'est la peine suprême. C'est un peu la peine capitale ici. Il n'y a pas de peine de mort, mais donc c'est la peine capitale en Europe. Ça, c'est bon, je suis calmé là d'un coup. Ah, bah tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. T'as bien fait de m'appeler là. Bah, merci Thibaut et Mohamed en tout cas. Et pas de soucis. Et vous revenez quand vous voulez. En fait, oui, Mohamed. Merci pour l'iPad mardi. Avec plaisir, Mohamed. Bah, tu l'as gagné, c'est vrai, ça, c'était à la colle. Mais oui. Très bien. Vrai. Bon, tu l'as pas encore reçu, c'est normal. Hein. Oui, ça c'est très bien. Ouais. Ça roule. Salut ça Mohamed. Merci beaucoup. Eh bah oui, Thibaut. Moins d'avoir un Paxel. Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro standard maintenant, pas de problème. Okay. Salut, je t'en prie, à bientôt. Bon, ouais, et Camille, bien. Allez, réfléchis un petit peu, reviens sur le droit chemin et puis arrête tes conneries, d'accord ? Ouais. Bon, je compte sur toi, mec. Ok. Bon, allez, salut à toi. Et Mickaël, il y a moyen que je fasse une dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Bah, à toutes mes potes avec qui j'ai grandi en foyer, avec qui je grandis encore. D'accord, ok, très bien. Eh ben, y a pas de problème, les messages sont passés, Camille. Salut à toi. Salut. Allez, ciao à toi. Et puis on aura Laura aussi, 18 ans, du 93. Salut Laura. Salut. Comment ça va, ma belle ? En forme ou quoi ? Ça va et toi, hein ? Mais tranquille. Bon, on parle de quoi dans quelques minutes, Laura ? Tu veux quoi ? Bah, je sais pas, hein, de quoi tu veux. Merde, je recommence. De quoi tu veux qu'on parle ? Bah, de mon mec, hein. Ok, d'accord, bah bouge pas, on en parle après ça, d'accord. Ok, reste là, Laura. Et puis on aura la réponse à la colle de Romain. Tiens, Romain, tant que t'es là. Ouais. Bon, bah répète-le encore un coup, là. On donne la réponse juste après le son de Tiesto avec Red Lights. Ok. Alors, vas-y, on t'écoute. Je Qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse, envoyez ça au 6900 ou alors au 6322 depuis la Belgique et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission facebook.com/M-I-K-L-officiel. Tu restes avec nous Romain, on donne la réponse dans 4 minutes, le temps d'écouter le son de Tiesto maintenant sur Fun Radio. C'est parti, Tiesto avec Red Light, c'est Mickaël No Limit au cœur de la nuit sans pub et on est là comme tous les soirs jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Black down, everything's faded on. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Avec les appels d'offres qu'on va continuer dans quelques minutes. Et puis on va également aussi se faire, bien entendu, les teubés de la télé avec un petit peu de retard ce soir. D'habitude, on le fait vers minuit, hein, les teubés de la télé. Eh ben, un petit peu de retard, mais vous allez voir, c'est pour le bonheur de tout le monde puisqu'on va reparler de ce lycée américain. Où donc ils ont trouvé comment faire cotiser les élèves pour une bonne œuvre. Il y a peu d'êtres humains normalement constitués qui peuvent supporter en boucle Baby, Baby, Baby. Ouais. Et en fait, ça se passe à Washington dans un lycée et la direction cherchait une bonne idée pour récolter $500 pour un orphelinat. Et ils leur ont dit, tant que vous n'aurez pas filé le pognon, on vous laissera ça à toutes les récrés et à toutes les pauses déj. Ouais. Les gosses sont devenus ouf. Il y en a qui ont mis $100 pour que ça s'arrête. D'autres qui ont appelé leurs parents en leur disant, c'est une bonne action et puis vraiment, mets-toi à notre place. Et d'autres qui sont décédés. Voilà. Et en 3 jours, ça a été réglé et ils ont récolté l'argent et ils ont arrêté jours, de gestionner. Voilà, c'est très long. C'est pas mal ça. Je prendrais bien l'antenne de Fun en otage, je vous mets ça. Tant que vous faites pas un virement PayPal sur mon compte. C'est bon ça. T'imagines, ce serait drôle quand même. Hein. Oh le gros enculé quand même. Je trouve ça pas mal. Bon, et est-ce que vous connaissez aussi Connasse sur Canal Plus? Bah oui. Et bah voici Bonas. Non mais ce livre il est trop émotionnel, tu vois, sa vie, c'est hyper fort, c'est hyper intense, tu sais, ça fait un peu penser au vulnérable de Victor Hugo, tu sais. Eh oui, les vulnérables. Bien sûr, les vulnérables de Victor Hugo, bien entendu. Et puis dans les Marseillais à Rio, il y a Mary Lee qui nous explique le meilleur endroit pour draguer. Voilà, au cours de la soirée, il y a quand même des petits regards et des petits rapprochements. Voilà, voilà. J'ai beaucoup de chance d'arriver ce soir. En boîte, c'est le truc qui se passe le plus de choses, c'est en boîte de nuit, bien évidemment. Je suis quand même intelligente et je le sais. Eh oui, tu le sais, oui. Bah oui. Elle cherche encore un petit peu plus. Hein. C'est parce qu'elle le sait justement que ça prouve qu'elle ne l'est pas. Hein. Comme quoi, tout arrive. Mais non, mais puis la boîte, c'est vrai que c'est un endroit hyper simple pour draguer, quoi. Ah, ça c'est sûr. Bon, et puis on va parler avec Batov dans un instant, on va faire les appels et on va récupérer Laura dans quelques minutes. Et tiens, une petite question, tiens, c'est quoi la journée idéale pour vous? Si vous deviez faire par exemple le programme de la journée parfaite, vous mettriez quoi dedans? Bah alors, donc le réveil, une pipe, à midi... Non mais en heure. Non parce qu'il y a l'anglais, on a la journée idéale d'un anglais. Oui. Il a fait ça en l'occurrence. Pour lui, la journée idéale, 4h et 19 minutes pour faire l'amour. Donc tout confondu, hein, machin. Oh, t'emballes pas, tu pourras même pas tenir à ton cinéma. Si, en 3 fois je peux tenir. 3h... La merde. Mais oui, 3h36 pour travailler. Non, moins. Ouais. 3h22. Moins 3h, l'émission elle fait 3h. 3h22 avec les amis et la famille. Ouais, ça ouais. 2h38 à manger et à picoler. Ça ouais. 29 minutes à peine pour se laver. Bon, non, il faut pas non plus 150 heures. Hein, non, moins 20 minutes, ça suffit. Et donc, malheureusement, dormir, justement, ça m'a fait bailler, tiens. Parfait, c'est voilà. Parfait. Mais je pense que cette journée est pas mal. Ouais, soit quand même presque 10 heures pour roupiller. Hein. Ouais, mais c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Et toi, Laura, tu ferais quoi, toi, comme journée idéale? Putain, vous avez pris du temps, les mecs. Laura. Oui. Tu parles à qui? Je suis en train de parler avec ma cousine. Ah d'accord, ok. C'est quoi qu'est-ce que tu ferais comme journée idéale toi? C'est quoi pour toi une journée idéale? Quoi? Bah faire l'amour. Faire l'amour, bah, oui, okay, moi je suis très d'accord bien avec toi Laura. Et quoi d'autre? D'ailleurs combien mesures-tu Laura? Et quoi d'autre? Non, on va parler de son mec Tof. Et alors? Bah alors, donc ça sert à rien que tu lui fasses combien tu mesures, machin, etc. De toute façon elle est prise. Si elle appelle pour parler de son mec, c'est que ça va pas. Mais pas forcément, ça se trouve, ça va mais très il est très beau, bien. Ce mec qui est à côté de toi, il est beau ou pas? Tu l'as déjà vu ou pas? Non jamais. Non, il est comment? Eh ben, il vaut mieux que tu restes en imagination. Et ouais. Toi? Ah bah moi, je, moi de toute façon, apparemment, moi, je fais bandé clégué, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire que le mec, le pote de Tom d'ailleurs qui se branlait tout à l'heure en regardant ma photo, bon bah que veux-tu que je te dise, moi? Que veux-tu que je te dise? Ah ouais, ça sent un pervers là. Ah bah non, moi, je suis pour rien, moi, j'ai rien demandé à personne, hein. Rien du tout, rien du tout. Mais bon, ah, qu'est-ce que tu veux? Comment tu m'imagines, Laura? Juste en fonction de la voix, puisque tu m'as jamais vu. Bah je sais pas, 1m80, musclé, je sais pas si tu connais les anges. Les anges? Oui je connais, oui. Tu connais Thibaut? Thibaut, attends, on va regarder immédiatement. J'ai peur parce que je vois pas sa tête là comme ça tout de suite. Alors, est-ce que ça me ressemble ou pas du tout, Tof, qui est en train de regarder, Thibaut des anges? Ah bah oui, c'est ça, c'est pareil. C'est bon, alors 1m80, je fais 1m78, donc t'étais pas très loin. Musclé, alors évidemment, hein, le roi de la musculature, c'est bien moi. Non, il te manque juste les tatouages, Mickaël. Mais montre, sinon, vous êtes les mêmes. Je vois rien là. Non, mais ça, c'est pas grave, tire avec moi, on les fera ensemble. Ouais. Non, si, il y a un petit truc, la barbe. Ouais, c'est bon, vrai que je suis un peu mal rasé, que j'ai pas les cheveux en brosse comme lui, hein. J'ai les cheveux en l'air, effectivement, mais pas là, comme ça. Ah, regarde. Ah, putain, j'adore ça en plus. Ah, c'est vrai, Laura. Les sourcils, on est pas mal, le regard un peu ténébreux. Non, si. Non, ouais, si. Ouais. Il te manque que les tatouages, ouais, ça doit être ça. Un espace, Andro, il manque que les tatouages, non? Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Il manque les tatouages, mais j'irai en faire demain, Laura. Bon, on peut parler de mon mec maintenant. Eh ben, maintenant, on peut parler de ton mec, alors qu'est-ce qui t'amène? Bah en fait, ça fait un mois et demi que je suis avec lui. Ouais. Et en fait, il était marié. Et lui, il me l'a dit il y a 3 jours. Et moi, comme il a attendu que je m'attache à lui pour me dire ça, quoi. Et maintenant, bah, il m'a envoyé chier. Et quel âge il a, lui? Il a 20 ans. Il est déjà marié? Youf. Ouais, il a des gosses. Oh là, hein? Oh, marié des gosses déjà à 20 balais. Bon bah. Et vous vous êtes rencontrés où? Bah, en fait, on s'est jamais vus. Ah, attends, comment ça, vous avez déjà vu, je comprends pas. Attends, c'est un cassos, ton mec, là. Attends, rencontre sur Internet? Ouais. Donc, attends, c'est-à-dire que donc, tu t'attaches à des mégaoctets? Non, mais c'est pas ça, le problème, c'est que moi, j'ai déjà dit, mais lui, il m'a jamais vu, en fait. Moi, j'aurais dit des bites, mais après... Ah oui, à des bites, oui. Mais donc toi, tu... La scène, elle est plus grande. Toi, ben, peut-être, va savoir. 2m50. Je garantirai pas dessus, mais... donc, ça veut dire que toi, tu l'as déjà vu? Mais lui m'a pas vu. Mais lui t'as pas vu. Bon, et donc quand tu l'as vu, t'as kiffé, il était beau, c'était génial. Bah ouais. D'accord, ok. Et donc c'était il y a un mois. Ouais. Et il a oublié de te dire qu'il était marié et qu'il avait des moutards. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est fini entre lui donc, enfin entre vous, donc c'est voilà, passons à autre chose. Oui, mais moi le problème c'est que je peux pas passer à autre chose, je suis trop attaché à lui. Non mais tu peux pas être attaché à quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Tu n'as jamais vu, tu sais rien. Bah c'est possible. Non, bien sûr que c'est possible, mais je veux dire, c'est quand même improbable, vous vous êtes jamais vu, ou il n'y a rien, tu sais pas, tu l'as déjà au moins eu au téléphone. Ça se trouve, il pue. Bah oui, quand même. Oui, ça se trouve, il pue. Et ça se trouve, en fait, il fait 1m05. Oui, exactement. Bah non, désolé, c'est 1m70, il a les yeux verts. Tu ne l'as jamais vu? Mais tu ne l'as jamais vu? Mais si, elle l'a vu. Elle a vu les photos. Tu sais ce que je fais, moi, parfois, pour pécho des meufs sur Internet, j'envoie des photos de Brad Pitt. Ouais, c'est pas mal, ça, Polo. Je dois y penser. Tof, il essaye, mec, Brad Pitt. Eh mais toi tu parles trop, ton petit malin. Ah ouais, toujours. C'est à moi que tu parles? Non, à l'autre. À l'autre, à Tof alors. Ah ouais, tu es Tof. Elle a eu peur de moi, t'as vu comment elle fait? Mais oui, c'est ça. C'est que Tof bon. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que j'aime bien, toi je t'aime pas. Ah d'accord. En vu comme ça, d'accord. Non mais Laura, écoute, de toute façon là, s'il est marié, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas d'autre solution là. Bah ouais, mais en fait c'est moi là, je sais pas. Bah oui, mais bon, est-ce que vous avez déjà vécu ça pareil aussi? Tiens, ça pourra peut-être filer un coup de main à Laura, tiens, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bah reste avec nous Laura, on va prendre Romain également maintenant là. Salut Romain, enfin re-salut plutôt. Ouais. Donc, on n'est pas en avance non plus hein, par rapport à l'alcool, mais on va faire ça maintenant, c'est parti. En même temps, ça tombe bien pour toi, plus on appelle tard, moins il y a de chances que ça décroche, donc plus tu as de chances de gagner. Hein, dans l'absolu, voilà. C'est ça Romain. Allez, on y va, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle décroche maintenant et donne la bonne réponse à ta call, tu perds, il ou elle gagne. Ah, je crois que ça y est. Allô. Allô, allô, salut, c'est Mickaël. Salut. Et en direct sur Fun Radio, comment ça va? Ah bah ça va nickel, je suis au taf. Bon, bah tant mieux. C'est de la balle. Bon, bah comment tu t'appelles? Sam. Sam, c'est ça? Ouais, Sam. Très bien. J'aurais parié. C'est ça. Je savais qu'il allait faire cette vanne de merde. Non, bon. il arrête pas de boire. Tu m'étonnes. Ah bah bravo Sam. Bon ouais. Sam, il y a Romain qui a une colle à te poser là. Vas-y Romain. Qu'est-ce qui crie plus fort qu'un cochon? Eh ben c'est deux cochons. Et ouais voilà. Oh Eh ben voilà, la GoPro est pour toi, bravo à toi oh, Sam. C'est bon ça. Ouais, c'est bon, t'as trouvé tout seul ou t'as trouvé grâce à l'auditeur qui a balancé la réponse tout à l'heure? Bah non, en fait, dès que vous posez une colle, je la tape sur Google et puis c'est bon, j'envoie mon texto. Bravo. Même pas été chercher plus loin, bah je te félicite pas hein. Je te félicite pas Sam. Si, surtout j'en ai perdu une il y a quelques mois de GoPro, donc je suis refait là. Ah bah voilà, comme ça au moins t'as une toute neuve en plus. Eh ben on va te repasser Sandro standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer la GoPro rapidement, d'accord? Nickel, merci. Salut Sam. Et tu fais quoi dans la vie au fait là? Tu dis que t'es au taf? Bah là pour l'instant je suis en intérim, mais sinon je suis infographiste, donc d'accord, donc, okay. Pour l'instant eh bah, okay. Très bien, ça marche. Voilà. Salut Sam, à bientôt. Salut l'équipe. Ciao. Et puis bah Romain malheureusement c'est perdu, hein. Désolé hein. Ouais bon c'est pas grave. Bah écoute, tu feras mieux la prochaine fois. Y a un moyen de faire une petite dédie? Mais oui, vas-y, y a une seule personne, choisis la bonne. Ouais, j'aimerais faire une petite dédie à Nathan qui écoute là, donc voilà. D'accord, et eh bah le message est passé sans problème. Salut, salut. Okay. À bientôt, salut. Ciao, bye bye. Ciao. Bon, et puis bah, on va appeler les gens maintenant avec Toff, hein, on est aussi un petit peu à la bourre là. Mais oui, mais ah oui, bah oui, ils nous attendent, ils n'ont rien d'autre à faire ce soir. Ils n'attendent que ça justement. Mais oui, ils n'attendent que moi. Donc je rappelle que nous sommes tombés sur un magnifique sondage qui disait que, qu'allaient faire les femmes pendant la Coupe du Monde. Eh bien, elles allaient fêter les victoires. Non, alors 30% vont se faire les ongles. Oui, mais ça on en oublie, on s'en fout. Et 12% sont prêtes à faire une gâterie à leurs copains. Pour fêter la victoire. Pour fêter une victoire des Bleus. Donc, et ça, c'est coup, beau. Oui, c'est vrai. Donc du coup, on appelle des gens, des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appelle des gens depuis tout à l'heure et puis on leur demande. Bah oui, allons-y. Allez. Espérons que ça décroche encore à presque une heure du mat. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si en cas de victoire de la France à la Coupe du Monde, vous auriez peut-être l'occasion de mettre une petite cartouche à votre femme pour fêter ça. Eh ben, main dans la gueule, gros bâtard, tu la veux? Enfin, pourquoi vous dites ça monsieur? Je crois que j'ai besoin de football pour mettre une cartouche à ma femme, connard. Bah, j'en sais rien, moi, monsieur, je vous pose la question. Ouais. Et en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Ah ouais, c'est bien, allez, casse-toi. Bah non, attendez, monsieur, vous avez pas répondu à ma question. Bah, je crois que j'ai fait qu'un foot de répondre à ta question. Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Ouais, mais j'ai besoin que tu m'appelles, moi. Bah non, je sais bien que vous avez pas besoin, mais maintenant que je vous ai appelé, la moindre des choses, c'est de répondre à la question. Ouais, ouais, allez, bonne soirée. Bah non, attendez, vous avez pas répondu, monsieur. Mais non, mais. Allô? Mais ben oui, mais non, mais en même temps, il t'a dit, hein. J'ai pas que ça qu'à foutre. C'est ce qu'il a dit? Oui, mais on va le rappeler quand même. Ah, bah, je te confirme. Allez, hop, c'est parti, on le rappelle. J'ai pas que ça qu'à foutre. Mais il a pas que ça qu'à foutre. Oui, allô? Allô? Ouais. Oui, ah, vous êtes là, monsieur. Non, parce que c'était pas très clair, votre réponse. Ouais, tu veux quoi comme réponse? Bah, je veux savoir si, en cas de victoire des Bleus, vous allez faire l'amour avec votre femme pour fêter ça, monsieur. Sinon, viens, je vais te répondre en direct. Et, oui, mais ça, vous êtes un peu loin, monsieur, donc c'est plus simple si vous me répondez par téléphone. Et t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Toff de quoi? Bah, Toff de chez moi, monsieur. C'est un prénom, ça? Ah, non, c'est un endroit, monsieur. Ouais, un endroit. Eh bah, écoute, casse les couilles à quelqu'un d'autre, maintenant. D'accord, mais vous voulez pas répondre à ma question avant, monsieur? Non. Bah pourquoi? C'est pas gentil ça monsieur. Bah y'a rien à gagner à ta question. Ah non non, c'est juste vous répondez et puis on en parle plus monsieur. Bah voilà, j'ai pas envie de répondre. Ah bah non monsieur. Eh bah si connard. Oh bah enfin monsieur, c'est pas gentil de dire ça. Bon écoute, oui. Arrête de me casser les couilles maintenant. Mais d'accord, mais répondez à ma question monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Ouais. Bah écoute, je vais déconnecter le téléphone, j'en ai rien à foutre moi tu sais. Ah bah non monsieur. À part des connards comme toi, y'a personne qui va passer le fixe. Ah bah oui, mais enfin monsieur, moi je vous appelle gentiment, c'est pas gentil ce que vous dites. Bon, écoute. Oui. Je raccroche. Je m'en bats les couilles de ta vie. Bah oui, mais moi je m'intéressais à la vôtre, monsieur. Oh, et, ça et ça doit pas arriver souvent, donc faites un effort. Pff, arriver souvent. Pff. Allez, laisse-moi rire. Bah oui, je vous laisse rire, monsieur, mais répondez à la question. Ouais. Allez, dégage. Bah non, je suis là, monsieur. Pauvre type. Oh non, monsieur, vous pouvez pas me dire ça. Moi qui suis si gentil avec vous. T'as de la chance, enculé, de pas être devant moi. Bah pourquoi, qu'est-ce qui m'arriverait sinon, monsieur? Je te défoncerai la gueule. Oh non, monsieur, c'est pas gentil, ça fait mal. Allez, je te préviens, enculé, tu rappelles une fois. Bah oui, mais si je rappelle, qu'est-ce qui se passe? Je te répondrai pas, enculé, ou je vais décrocher et puis je te laisserai pas aller dans le vide. D'accord, bah vous êtes, okay. Vous êtes pas très gentil, hein, monsieur. Non, on me le dit souvent, ça, en plus. Ah bah vous voyez, j'ai raté, je vous avais bien cerné. Hein. Allez, salut. Ah bah il est parti hein, donc, hein. Oui. Il avait une voix bizarre hein. Oui, je pense que. Il avait une voix qui faisait peur. Oui. Un petit peu. Il ventait. Eh bah va savoir. Tiens, il y a Louis qui dit mort de rire avec vous l'équipe. Bah, merci Louis d'être là. Il y a Christopher aussi. Me revoilà. Je vous écoute en même temps que je joue sur Ghost. Tout le monde me demande pourquoi je suis éclaté de rire au micro. Demandez à Mickaël, j'espère gagner quelque chose de votre part. Merci Fun. Eh bah bon courage à toi Christopher. Let's be freaks qui dit Laura tourne la page. Cette histoire, ça va juste droit dans le mur. Et Brandon qui dit LOL, il était marié. Elle s'attache à un méga octet. Bah oui, puisqu'ils se sont vus que, enfin, ils ne se sont pas vus en l'occurrence, hein, que via Internet. Allez, restez là, il est 1h du mat sur Fun Radio, 1h du mat, récupération de Laura dans quelques minutes. Il y a Camille qui voulait réagir également d'Orléans et Aurélie d'Étain dans la Meuse. On va s'écouter d'abord un petit son où on va se mettre à chiller. On va plus que chiller, tiens. Route 94 maintenant, c'est My Love sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat. Prévenez vos potes, il se passe enfin quelque chose de soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, sur Fun Radio, il est 1h03. Il y a Louis qui dit mort de rire avec vous l'équipe. Merci Louis. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Brandon qui dit il était marié, elle s'attache à un méga octet. Je l'avais déjà eu tout à l'heure. Elliot qui dit tu ne l'as jamais vu, lâche l'affaire. C'est Elliot qui avait envoyé son message. On va faire un petit point top tweetos également maintenant là. Mais bien sûr. Je rappelle que ce sera dans moins d'une heure maintenant. Le passez même pas à tirage au sort. Hein. On verra vraiment ceux qui sont les plus influents sur le Twitter de l'émission. Avec ce fameux hashtag Mickaël, justement. On y va, qui si on arrêtait là maintenant tout de suite, qui serait le numéro 5? Ah, bah là, c'est la chute de Drakit. Ah là là, il était numéro 1, c'est dommage, il est 5ème. Numéro 4, Elliot. Numéro 3, la remontée de Let's Be Freaks. Numéro 2, Florian. Et le numéro 1. Et vive les sodomites. Vive les sodomites qui est remonté. Hein. Ah oui, il a fait une grosse montée. Ah, alors. Il a fait une grosse montée, c'est bien, vive les sodomites. Bon, je rappelle que tout à l'heure à 2h du mat, nous verrons donc lequel est number one. Juste pour info, vive les sodomites, Florian et Let's Be Freaks se tiennent dans 4 tweets. Ah ouais, d'accord, ok, donc tout est encore jouable. Ah oui. Bon, ben hashtag Mickaël, donc allez-y, bonne chance. Yannès qui dit, puisque je vous ai demandé aussi votre journée idéale, ce serait quoi? Alors, journée idéale de Ness, farniente au bord de la piscine avec des mojitos à volonté. Ah bah je viens aussi Ness alors du coup, bah, c'est si pas j'ai mal, une petite ça. Place. Hein. Oui, oui. La petite fée qui dit journée idéale, bah, une journée de repos, des câlins, des personnes que tu aimes et un magnifique soleil, c'est pas mal. Il y a quoi aussi? Let's Be Freaks qui dit perso, je me rends compte de la chance que j'ai eu de tomber sur Mickaël et toute la team un soir par hasard car ils ont changé ma vie. Oh, c'est gentil. Bah, c'est surtout Toff qui a changé. Ouais. Il est fou amoureux. Ah. Et le prince Nadia qui dit je repense au canular de jeudi dernier, je ne sais pas pourquoi, manger des pommes. Ah oui. Ah, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, je rappelle quand même le truc, c'est qu'on avait un auditeur qui s'appelait Damien, je crois. Damien, exactement, ouais. Qui voulait faire une blague à son père et en fait, bah, on n'a jamais réussi à la voir, son père. Donc c'est Toff qui a joué le rôle du père et sauf qu'il a rien capté. Et donc on est parti sur les trucs genre qu'il avait appelé son père parce qu'il avait mangé des pommes. Du coup, Toff alias le père a commencé à gueuler sur lui. Enfin, bref, c'était assez scandaleux. Pourtant, canular raté, mais qui nous a fait parfois, qui nous a fait plus rire que certains drôle. Autres. Quoi. C'est ça. Il y a Mathis qui dit ça va Toff avec la harissa et le piment, pas trop mal au cul depuis hier. Dédicace au collège l'annexe de Pont-l'Abbé. Tout va bien. Ah bon, d'accord, ok, bah, très bien. Donc ça c'était hier hein, à Grenoble, en direct de chez Mathieu, où Toff a bouffé son hamburger hein, préparé par Polo avec amour. Mais oui, j'ai adoré. C'était pas avec amour. J'avais envie de le tuer en fait, c'est pour ça que j'ai mis autant de piment, mais il est pas mort ce chien. Eh ça, ben, ça n'a pas marché. Bon, retour avec Laura. T'es toujours là, Laura? Ouais, je suis là, t'inquiète. Très bien. Bon, alors plein de messages qui disent effectivement de le dégager comme une merde. Il y a également Camille qui est avec nous d'Orléans. Salut Camille. Salut Mickaël. Comment ça va? Ah, deux fois j'ai Camille, mec, je suis vénère. Putain, moi je croyais que c'était une gonzesse aussi. Bah, moi aussi, je me dis ah, bah non. Bon, ça va Camille? C'est quoi ce prénom là, ouais. C'est bizarre quand même pour un garçon, non? Bah oui, ça fait meuf. Ouais, assez, mais non, ça va, on t'y fait. Non, bon, d'accord, ok, très bien. Bon, alors Camille, tu voulais donner un conseil à Laura, toi? Bah ouais, un petit peu quand même, parce que bon, moi j'ai eu quelques relations via Internet. Ah, c'est bien, je croyais que t'allais arriver en disant oui, bah moi je suis célibataire si elle veut, j'ai 18 ans aussi. Mais non, ça va, toi t'es juste pour en raconter la même chose. Donc alors, t'as eu une relation sur Internet, alors vas-y, on t'écoute. Bah, j'ai eu plusieurs relations sur Internet, et donc fatalement, bah ça passe toujours abouti, et sans mentir, j'en ai vu qu'une seule dans ma vie que j'ai rencontrée sur Internet en allant à Paris. Et bon, du coup, je suis avec elle, et bon, là je partais même aller la revoir. Et bah après, si elle veut vraiment être avec, faut vraiment qu'elle lui en parle, qu'ils parlent ensemble, quoi. Qu'ils se voient peut-être pour commencer, non? Bah ouais, faudrait que lui puisse expliquer quand même, parce que bon, ça fait quand même pas des masses. Attends, il est marié depuis combien de temps, Laura? Depuis 3 ans. Ah oui, 3 ans, le mec a 17 balais, il s'est marié? Bah oui. Oh là là, quel idiot. Et les gosses, ils ont quel âge? Bah, il y en a un qui a un an et l'autre qui a 6 mois. Oh là là. Ah putain, le mec il a pas chômé, hein. Ah non, il est rapide. Ah oui, c'est-à-dire qu'en 3 ans, il a fait ce que les gens font en une vie. Mais oui. En mais moyenne. À mon avis, c'est pas du tout les photos, hein. Je pense qu'un beau gosse, il a pas le temps de se marier à 20 ans, il profite jusqu'à au moins 30 ans. Oh non, ça dépend, ça dépend. Bah, moi qui ai 22 ans et demi, je sais que je profite là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je veux dire, c'est. Faut voir, mais en même temps, il ressemblait à quoi lui? Bah, Thibaut. Il ressemblait au mec de tout à l'heure là. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Non, parce il ressemble à toi, Mickaël, en fait. Oui, ah bah oui, c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas moi, je le confirme. Bon, attends. En fait, je pensais que je parlais avec Mickaël depuis tout à l'heure. Bah c'est oui, c'est avec quoi tu parles, Laura? Enfin, je pensais que je parlais avec l'autre là, le. Toff. Le chinois. Ouais, non, non, non, non, il y a Toff et il y a Polo. Voilà. Et non, Toff. Non, je veux parler. Moi, j'ai envie de parler avec Mickaël. Oui, bah oui, voilà, bah écoute, ça tombe bien, on parle ensemble. Attends, Laura, tu l'as appelé grand, Toff le chinois. Le chinois. Une bande d'or. Voilà, c'est ça. Bon, attends, Laura, il y a Aurélie également qui est avec nous. Aurélie. Salut, Mickaël. Ça va, Aurélie? Oui, ça va. Est-ce que tu as le haut-parleur, le kit malibre ou quelque chose allumé là? Ou alors tu es possédé? Non, j'ai rien du tout. On dirait que. Eh, j'ai une voix chinoise. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? T'es bien. Non, attends, Aurélie, on va te rappeler parce que là, c'est pas possible. Tu voulais réagir à Laura, toi? Non, moi, c'était par rapport à un lièvre, en fait, que j'ai récupéré bébé, que je suis en train de sevrer, et pour savoir si quelqu'un avait une solution pour. T'es sérieuse, là? Oui. Elle est pire que moi, c'est de l'un. Ah ouais, là, oui, là, Laura, alors, effectivement. Là, t'es loin, Laura, quand même. Donc, hein. Tu as un lièvre. Donc, je pense, effectivement, que tu es possédé, comme le disait Polo. Ne bouge pas, on va te rappeler, Aurélie, parce que là, il y a un bruit bizarre dans le téléphone. Là, peut-être un bec de lièvre. Peut-être aussi, effectivement. Bon, bref. Donc, du coup, Laura, tout ça pour résumer qu'il y a un moment, effectivement, faut prendre les choses en main. C'est-à-dire qu'en même temps, t'as 18 ans, lui, il en a 20, c'est pas ton premier mec, rassure-moi. Bah non, j'en ai déjà eu. Et tu les as vus? Ah non, bah non, oui, tous sur même, internet. Non mais je sais pas, moi je me renseigne, je pose des questions qui peuvent parfois être bêtes, mais quand même, on sait jamais. Bon, donc tu as déjà vu, c'est très bien. Et pourquoi ça s'est terminé avec ton dernier mec? Avec l'autre là, le nouveau. Non, pas celui qui est marié, hein, avec un autre quoi. Avec un autre, bah, en fait j'ai stoppé parce que c'était trop un gamin. D'accord, ok, donc du coup tu l'as viré pour ça, ok, pourquoi pas. Bah, en même temps, t'as vu, t'as été voir un plus vieux qui lui a des réactions de gamin aussi, hein. C'est-à-dire que le mec en fait te promet mon émerveil et après tu te rends compte qu'il est maqué. Comment il te l'a dit d'ailleurs? Bah il m'a dit par message, il m'a dit moi et toi c'est impossible, je suis marié et tout, ça sert à rien qu'on continue. Mais avant ça, il t'avait promis mon émerveil ou jamais, ou c'est toi qui t'étais fait un film? Bah c'est lui, il m'avait promis, il m'a dit ouais si tu veux continuer, bah vas-y on va continuer. Et deux jours après il m'envoyait plus de messages, il me parlait plus, il m'a dit ça fait même pas une heure, il vient de me dire ouais moi et toi on peut se couper et tout. Ouais bah laisse tomber, sa femme est tombée dessus. Bah non je sais pas, en plus il y a deux jours je l'ai appelé, c'est une meuf qui a répondu. Et bah oui. Voilà, et bah c'est tout ça. Tout s'explique, c'est sa femme est tombée dessus. Bon je sais pas mais franchement. Les mecs, c'est que des enfoirés, alors... Mais oui, enfin, arrête. Une bonne réponse. Mais oui, c'est ça. Non, toi, fais un enfoiré, ça, je suis d'accord. Ils pensent qu'il y a des vies, rien d'autre. Bah oui, ça, toi, je suis d'accord. Mais aussi. Je suis entièrement d'accord. Ça, c'est vrai. Attends, Yannès qui dit aussi qu'elle lâche l'affaire. Il est marié, deux enfants, des hommes, il y en a d'autres, et des libres, d'ailleurs. Mais bien oui. Sûr, je suis là. Combien mais... mesures-tu? Non, si, Laura, combien mesures-tu? Je fais 1m70. En fait, je fais taille mannequin. Mon père, il devait m'inscrire à mannequin, mais ma mère, elle voulait pas. D'accord, oui. Combien pèses-tu? 52 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Faut manger maintenant. Je fais 90. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 34. Oh. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Toff, prends le l'autolib là. Hein. Évidemment, je cours à Livry-Gargan. En plus, c'est à côté, je connais le chemin, il n'y a pas de souci. Pour voir s'il y a une station autolib. À Livry-Gargan, c'est pas grave, sur la page, je laisserai tourner la voiture. Ils sont très longs. Hein. Ah mais ça c'est plus intéressant pour Polo si vous avez des longs cheveux. Ouais. Enfin bref, il adore. Il y a Jeanne-Françoise qui dit sur le Twitter, les relations sur internet c'est toujours super intense, surtout quand on s'échange des émoticônes. Ah oui, oh là là, ça doit être génial les émoticônes, hein, la grande classe de l'émoticône. Bah oui. Ah bah oui, toi tu échanges à mort toi non? Ouais, grave. Ah bah j'imagine, ouais. Bon, écoute, Laura, malheureusement, j'ai pas de recette miracle, mais à part te dire de le virer, enfin de l'oublier une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose, et t'inquiète pas, et c'est-à-dire que si tu ressembles à ce que dont tu viens de nous écrire là, t'auras pas de problème à en trouver 10 d'un coup, hein. Bien sûr, je suis totalement disponible. Non, mais je pense qu'elle tape dans le luxe, Toff. Mais c'est pas grave, je serai le mec luxueux. Ouais, tu parles. Non, mais si vous voulez, vous pouvez me passer votre numéro, ça me dérange pas. Ah bah voilà, bah attends, bien sûr, avec plaisir. Je suis le 06-28. Évidemment. 06. Voilà, c'est ça. Non, non, mais il n'y a pas de problème, bah, Laura, t'inquiète aucun pas. Aucun problème, moi. Bon, je te fais plein de bisous, Laura. Moi aussi, je t'en fais plein. Et je t'en fais même où il faut pas. Oh, bah très bien, avec plaisir. Vicieuse. Salut, Laura, je t'embrasse. Ciao. Allez, ciao. Bye bye. Camille, merci à toi d'être passé. Une poignée de main, toi, je t'embrasse pas. Ouais, ouais, bah je te fais une petite dédicace vite fait. Allez, bah vas-y, y a une seule personne, choisis la bonne. Il y a ma petite femme qui m'attend à quelques kilomètres et que je rejoins. Je suis dédicace tout l'amour que j'ai pour elle et là je vais vivre avec elle et. Oh, je quel ringard. Ça va, c'est pour rire. Bon, très bien. Et bah, je dédicace aussi tous mes potes d'Orléans que je laisse tomber et tous les focus, je les emmerde. Très bien, bah c'est une bonne idée. C'est très bien comme ça. Ça roule, salut Camille. Salut. Ciao à toi Camille. Bon allez, appelez-nous hein, si vous voulez passer en direct à l'antenne. On est là jusqu'à 2h du mat. Si vous voulez délirer avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez maintenant donc 01 42 48 5000 ou 02 851, 4x0. Il y a DJ Damino qui dit: moi l'idéal c'est une villa avec piscine, soleil et toute la team Mickaël. Animation non-stop, voilà pour ma journée idéale. Pourquoi pas. Xavier qui dit: journée idéale c'est de faire une grande teuf avec vous. Il y a Gaëtan également: ma journée idéale c'est jouer à la console sur COD Ghost. Quoi? Manger, repos, jouer, manger, d'accord, ok. Et la petite fille qui dit: bonsoir mes amours, une seconde sans vous écouter, vous m'avez manqué. Oh, merci la petite fée, c'est gentil. Allez, continuez avec vos messages, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et vous tapez aussi Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. On est plus de 363 000 sur la page Facebook de l'émission. En même pas 8 mois. Et là, c'est beau. Pour ça, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à démarrer aussi vite d'ailleurs, à écouter l'émission et à faire passer le message comme je le disais depuis le début. Restez sur Fun Radio puisque nous allons encore faire des appels avec Toff tout à l'heure. Mais oui, moi je suis prêt, je mais suis là. J'imagine bien. Et puis on va se faire le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. Le nouveau Marilyn Monroe. C'est maintenant, il est 1h15 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus tout le monde. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, il y a le prince Nadia sur le Twitter qui dit: j'ai compris pourquoi Polo n'aimait pas les cunis. Il passe tout de suite au plat principal, il l'a dit, il n'aime pas les entrées. C'est vrai. Il y a Yann du 69 qui dit: j'adore me branler sur une photo de Toff, par exemple. Oh, ah bah voilà, c'est avec plaisir. Ça, je suis pas le seul. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Titouan aussi, je suis hindou mais je peux pas appeler, mais j'aimerais bien pouvoir faire une dédicace au collège de Notre-Dame de Lourdes à Civrieux. Bah, le message est passé, Titouan le doux. Florian aussi, comme un Apollon sur sa planche. Oui, c'était moi ce week-end à Orcières en train de faire du snow. Ah, qu'est-ce que tu étais beau, Mickaël. Ah, ça me manque, j'ai l'impression de pas avoir été à la montagne depuis des années. C'est marrant. Oui, c'est, ça fait alors qu'on longtemps. Y était il y a 48 heures, t'imagines? Ouais. On était à 48 heures et puis là, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Quand vous voulez, je vous accueille chez moi à Toulouse, c'est Lola. Ah ben c'est gentil parce qu'en plus, on va pas tarder à passer à mon avis à Toulouse. Et le boss Tiakov qui dit: j'ai reçu le pack de Fun aujourd'hui. Merci beaucoup, Mickey. Milk, ah bon, bravo. De rien le boss Tiakov. Et bien voilà, tous vos messages, allez-y, continuez. Évidemment, hashtag Mickaël sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel. Tiens, il y a une étude réalisée par un site de coupons en ligne qui a interrogé plus de 2000 personnes. Oui. Je voulais vous en parler, c'est 2000 personnes de plus de 18 ans sur la signification de termes informatiques. Oui. Et on peut remarquer que les Américains ne sont pas forcément les top du top. Ah bon? Par exemple. Alors attends, on va prendre des gens au hasard là. Il y a Samuel avec nous, tiens, de Paris. Salut Samuel. Salut Mickaël, ça va et toi? Ça peut aller. Bon, très bien. Alors attends, on va parler de... J'ai juste une petite question à te poser. On a également... Si c'est encore un garçon, Camille, je te raccroche le nez. Camille? Camille? Oui. Ah, t'es une fille, Camille, hein. Camille. Non, on s'en fout, toi, c'est pas le débat. Camille? Oui. Ah, donc t'es une fille, parce que c'est quand même le troisième Camille que je reçois, là, et il y avait quand même deux mecs au début, je commence à mal le vivre, Camille. Ah ouais. Donc c'est là qu'on voit... Donc... On est l'émission de numéro 1 sur les Camilles et ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Donc Camille, on est bien d'accord, tu n'as rien entre les jambes, tout ça. Hein. Même dans le passé. Hein. Même avant non plus, tu n'avais rien entre les jambes. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, en fait, c'est ma cousine Laura qui vient vous appeler. Ce sont les choses qui arrivent, Camille. Et alors, que puis-je pour toi? Et en fait, elle m'a dit que vous savez bien, que voilà, quoi, vous pouvez m'être arrangé des coups avec des mecs. Ah oui, on peut arranger des coups avec tout plein de monde, nous. Et Laura, elle fait un bisou. Ah bah écoute, je l'embrasse également, Camille. Avec la langue. Mais oui, tout à fait. Mais alors, attends, hey, Camille, deux secondes, parce que tu vas voir des mecs, on va t'en trouver, ça c'est pas un problème. Moi, je suis là, Camille, si tu veux. Il est chaud. Hey, reste calme, Samuel. Attends, bouge pas, Camille. Donc, de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Camille ? Oh, c'est gentil, c'est mignon. Fais gaffe, j'ai presque la gaule. Ne bouge pas, Camille. Alors attends. Donc je disais qu'il y avait une étude qui avait été faite sur 2000 personnes de plus de 18 ans, donc sur les termes informatiques. Alors Samuel, est-ce que tu sais ce que veut dire HTML ? Non, pas du tout. Mais tu connais quand même, tu connais au moins le nom, l'HTML, c'est ce que c'est ? Non. Ah bon, tu sais pas non plus. Bah quand même, comme les Américains. Bon, c'est le Hypertext Makeup Language Markup, pardon, Makeup, c'est le maquillage. L'Hypertext Markup Language. Donc c'est un format de données, bon, bof, sur Internet. Ouais. Et il y a 11% des Américains quand même qui pensent que le HTML est une maladie sexuellement transmissible. Ah oui, c'est pas mal. Ah ouais. Donc bon, là, moi, je pensais que c'est quand elle allait à la poste, elle allait acheter des mails. Ouais. Alors il y avait aussi, on peut dire. Oh là là là là. Et tof. Ouais. Tape-toi la tête contre le mur. Ouais, franchement, tu peux. Hein. Alors, il y avait aussi SEO. Que veut dire SEO ? Personnellement, je savais pas. Hein. Search Engine Optimization. C'est un ensemble technique visant à favoriser la compréhension et la thématique du contenu. Blablabla. Bon, bref, ça fait chiant. On se croirait dans un cours. Et 77% des Américains n'ont aucune idée de ce que voulait dire SEO. Bon, pour le coup, moi non plus. Voilà. Donc, comme ça, on est un peu comme les Américains. Alors, et là, à mon avis, Tof Sora et toi aussi, j'imagine, Samuel, que veut dire gigabit ? Je sais pas du tout. Bah, bah attends, gigabit. C'est quand je baisse mon pantalon et là il y a ma gigabit qui sort. Ouais, c'est ça, minibit, ouais. Ah. Ouais. Non, c'est une unité de stockage, tu sais, des disques durs. T'as un disque dur de 500 gigas. Après, je suis pas trop basé sur internet donc. Non, mais là c'est pas internet, là c'est un disque dur, une clé USB, un ordinateur, un iPad, un iPhone, n'importe quel téléphone avec la mémoire. Tu dis que t'as quoi comme téléphone ? J'ai un Samsung. Un Samsung quoi ? Galaxy ? Samsung Galaxy, oui. Et il y a combien de mémoire dedans ? Il y en a 32. Ah bah 32 gigabits, voilà. C'est ça, c'est l'unité de mesure de stockage, 32 gigabits. Et bah 27% des Américains pensent que gigabit est un insecte d'Amérique du Sud. Ah ouais. C'est pour vous dire à quel point ils sont barrés. Hein. Oh là là. Et enfin, qu'appelle-t-on une motherboard ? Motherboard. Une planche ? Non, c'est une carte mère. Ah, c'est la carte mère dans les ordinateurs et 42% des Américains pensent que motherboard donc est le nom qu'on donne à un pont de bateau de croisière. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'un MP3 ? Tu sais ce que c'est, soit un MP3, Samuel ? Quand même. Ah bah attends, on sait jamais. Hein. Donc voilà, et ben 23% des Américains pensent que MP3 est le nom d'un des robots de Star Wars. Ah ouais, 6PO. Il y a R2D2, R2D2, 6PO, MP3. Qu'est-ce qu'un Blu-ray ? Tu sais ce que c'est ? Un Blu-ray, oui. Voilà, c'est le DVD, enfin le DVD, on se comprend quoi. 18% des Américains pensent que le Blu-ray est un animal marin. Et enfin... Ah ouais, ils sont forts les Américains. Ah ouais, les requins sont forts. Et qu'est-ce qu'un software ? Tu sais ce que c'est un software ? Non. Bah c'est un programme, le hardware c'est le dur, tu vois. Et le software c'est le programme. Ah, et donc voilà, c'est un logiciel. Non, c'est un logiciel. Eh bien, 15% des Américains pensent qu'un software est un vêtement. Oh là là là. C'était pour vous donner une idée d'à quel point les Américains ne sont pas forcément tous futés. Ah non, c'est... Bon, et nous non plus, cela dit au passage, puisqu'il y avait des trucs qu'on ne savait pas non plus, hein, cela dit. Bon, du coup, comme on en avait parlé, dites-nous s'il y a des trucs comme ça que vous pensez... si vous pensez pouvoir nous piéger à ce niveau-là. N'hésitez pas, oui. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, Samuel, qu'est-ce qui t'amène, toi, ma gueule ? Bah, j'ai un gros problème, en fait. Qu'est-ce qui va ? Je sors avec une fille depuis 4 ans et demi. Ouais. Et tu étais prêt à draguer Camille, là ? Dis donc. Espèce de chien, mais... va. Bravo, j'ai, hein. J'ai fait l'erreur de coucher avec sa sœur. Bravo ! Oh bah oui, félicitations ! Ah oh bah, mec... Et sa sœur vient de tomber enceinte. Bravo ! Oh là là ! Et là, je me retrouve dans une grosse merde. Non, tu te retrouves futur papa, quoi. Voilà. Ouais, mais là, ça va... Là pour moi, là, c'est dur. Ah bah non, ça l'a été dur, maintenant ça l'est beaucoup moins là, mais... Et elle a quel âge juste pour me faire rire ? 18. Ah 18. Ah ouais, parce qu'on regarde les baby-boom tout à l'heure dans le bureau. Ma copine on a 21, enfin sa sœur on a 21. Ah, tu t'es tapé la plus vieille quoi. C'est ça. Ouais d'accord, ok. Bon, et qu'est-ce que tu fais toi avec un mec comme ça Camille, si t'apprends que ton mec t'a trompé et qu'il a mis enceinte ta sœur ? Ou une copine mais à toi ? Moi c'est massacre, mais il me bat même plus. Une batte de baseball, va te démonter. T'as vu Samuel ce qui t'attend ? Samuel, tu as vu ce qui t'attend ? Là, c'est si ça sort la fronde, déjà, d'une, moi, je me fais défoncer. Ah bah, mais à juste dire, mais pourquoi t'as été tremper le biscuit chez la sœur ? Bah, pour voir. Mais pour voir quoi ? Bah, pour voir si c'est plus ferme, tu vois, comme elle est plus jeune. Mais n'importe quoi. Mais non, elle a 21 ans, elle est plus vieille. Non, sa copine actuelle est plus vieille. Non, ta copine à toi, Samuel, elle a quel âge? Ma copine a 21 ans, c'est ça. Voilà, alors c'est moi qui ai mal compris autant. Mais tu vois, toi, t'avais rien compris. Bah, comme d'habitude. Voilà, je suis désolé, Mickaël. Voilà, donc sa copine a 21 ans et sa sœur 18. Bah oui. Voilà, voilà, c'est ça. Donc tu avais dit l'inverse. Bravo. Bah, évidemment, bon. Pardon. Et donc, Samuel, donc du coup, elle le sait pas encore, évidemment, ta copine. Non. D'accord. Bah, je propose qu'on l'appelle. Oui, on peut l'appeler en direct si tu veux, Samuel, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Non, ça va aller. Attends, ah bah si, elle va être tante. Ah oui, elle va être tata. Bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Bah oui, moi je pense qu'il faut l'appeler pour lui annoncer cette nouvelle. Mais évidemment, évidemment. Bon, Samuel, grosso modo, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi là? Parce que. J'aimerais savoir si ça a déjà arrivé à quelqu'un ou qu'est-ce que je peux faire, quoi. Parce que là, je me retrouve dans une impasse et. Là, m'est jamais arrivé, mais j'aurais bien aimé. Ouais, me taper la soeur. Ouais, je pense, hein, je m'en fous. Voilà. Bon, ce que tu peux faire, Samuel, c'est commencer déjà à acheter, je sais pas moi, une poussette, des couches culottes. Non, moi je pense que le plus important c'est de faire une liste de naissance, hein, comme font tous les gens qui m'envoient des mails en pensant que je vais acheter des trucs pour leur gosse qui est pas encore né. Voilà, une petite liste de naissance, ça peut être pas mal. Bon, écoute, Samuel, reste avec nous. Si vous avez des conseils à filer à Samuel, eh ben appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Camille. Oui. Bon, toi t'es à la recherche de mecs, toi. Ouais. Bon, là, alors, Camille, combien mesures-tu? Qu'est-ce qui se passe? On est dans un aspirateur? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec le bruit, le téléphone, c'est pas grave. Vas-y, alors, Camille, combien mesures-tu? 1m65. Combien pèses-tu? C'est un peu plus petit que Laura. Bah oui. Ouais, mais c'est mieux pour les pipes. Alors, combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B. B comme Bénédicte? Oui. C'est un petit peu plus petit que Laura aussi. Oui. Ça, tu sais plus ferme. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 36. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est bonne. Allez, donc il y a deux bombasses au même endroit dans le 93. Bah écoute, moi si tu ne fais rien ce soir, je suis totalement disponible, je peux passer après l'émission. T'étais pas fatigué, hein papy? Bah si, j'étais fatigué, mais là je reviens de Grenoble, je suis fatigué. Mais là ça m'a réveillé, je vais Ça m'a remis hop en scène, là, je suis parti. Ça, ouais. Et comme par hasard, Camille, il y a Jonathan qui est déjà là, tiens. Salut Jonathan. Salut. Ça va? Salut vous. Bah écoute, plutôt pas mal, Jonathan, tranquillement. T'étais intéressé par Camille, toi? Ah voilà. Bon bah reste avec nous, Jonathan, reste avec nous, Camille. On aura Aurélie également. Aurélie? Oui, Mickaël. Bon Aurélie, alors, donc toi c'est ton histoire de lièvre, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Comment va la tortue? Oui, bah certainement, très bien. Bon. Alors Aurélie, reste avec nous, on va parler de ton histoire de lièvre dans quelques minutes, hein. Je pense qu'il va y avoir du gros dossier qui va débarquer. Hein, ah bah oui, le lièvre là. Oui, le lièvre, la tortue, enfin toute la famille. Reste avec nous Aurélie, ne bouge pas de là, il est 1h28 sur Fun Radio. Dans quelques minutes, il y aura les appels de Toff, les derniers. Et puis on aura aussi le son de David Guetta, je vous l'avais déjà mis tout à l'heure, on va le remettre encore un coup. Avec Showtech, et là c'est Klingon Jubel sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 1h32 du mat, avec à suivre le son de David Guetta sur Fun Radio. Le nouveau, je vous l'ai passé tout à l'heure, là, vous avez bien kiffé, David Guetta et Showtech, en même temps c'est normal, il déchire tout, c'est Bad qu'on écoutera encore une fois avant de partir. Et puis si vous voulez écouter un son en particulier, bah demandez, hein, comme tous les soirs, vous êtes les bienvenus, hashtag Mickaël, et vous en avez pris l'habitude avec le Twitter notamment. Il y a Terry qui dit un petit message par rapport à Samuel, franchement bien joué, mais là t'es dans une merde sans nom. C'est Samuel et PH aussi, PH sur le Facebook. Trop bon l'émission, j'ai encore rigolé toute la soirée, impossible de m'endormir, je suis obligé de vous écouter, c'est trop bon. Continuez à nous faire délirer, moi et mes potes. Eh ben merci PH ou PH, et puis salut tes potes également de notre part. Bon, retour avec... Ah bah dis donc, Camille, t'as du succès, hein. Y a du monde, hein, je te le dis. Non. Hein. Ah si, bien sûr. Excuse-moi, monsieur Mickaël. Oui. En fait, y a ma cousine, elle est en chaleur, elle est en kiss, sur toi, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, elle arrête pas de parler de toi, de tout à l'heure. La meuf, elle nous a mis, mais le grand kiss, sur toi, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Mais qui, Laura, c'est ta cousine ou c'est ta ouais. copine? Ma cousine. Ah. C'est vrai, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour elle. Je suis déjà pris. Et oui. Par qui t'es pris? Attends, laisse-moi deviner. Laisse-moi chercher. Ah, par ma copine, voilà, c'est ça. Je cherchais si c'était éventuellement une voiture ou quoi. Non, mais non. Je non, peux éteindre la flamme. Ouais, oui. Avec Polo, on va éteindre l'incendie. Ne t'inquiète pas. Mais oui, génial. T'es pris par qui? Ben, par ma copine, voyons. Et j'emmerde ta copine. Ah bah elle va apprécier, ça lui fera plaisir. Ah oui, elle va être contente, tiens, oui, oui, ça lui fera plaisir, effectivement. Bon, laisse tomber, laisse tomber. Non, mais attends, si je te crois ta copine, j'en cul par tous les côtés. Oh là là, quelle violence. Laisse tomber. Non mais je cherche pas Mickaël, t'inquiète pas. Mais viens de sortir d'une relation, mais incroyable, maintenant elle est trop dans les autres iPads. Mais oui, mais écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi, de toute façon, je t'encule, Mickaël. Je ne lui en vais pas. Non, ça, c'est pas trop mon délire, l'enculage. Autant tof, éventuellement, why not, mais bon, là, moi, moyennement. Mais moi, je suis toujours disponible. Mais toujours. Attends, parce qu'il y a Jonathan et Kevin, pour toi, Camille, bouge pas de là. On va d'abord faire les appels, les derniers de la journée, là, avec tof. Allons-y. Puisque, bah, je rappelle que c'est bientôt la Coupe du Monde. Et oui. Et que 30% des femmes ont décidé de se faire les ongles pendant que l'équipe de France allait jouer. Oui, par contre, il y a beaucoup de matchs, hein, donc elles vont se refaire beaucoup les ongles quand même. Bah, ça dépend, parce qu'ils peuvent se faire virer très rapidement. Souviens-toi, il y a 3 ans et demi, ça n'a pas été très très long. C'est vrai. Bah, enfin, ils ont fait quand même 3 matchs. Oui, c'est vrai. Minable, c'est... mais 3 matchs. C'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que c'était Carrefour qui a fait la meilleure affaire du monde. Hein, ah ouais, ouais. Qui avait dit on rembourse votre télé, achetez une nouvelle. Si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, on vous la rembourse. Ah, ah bah, oui. Ils n'ont rien payé. Hein. Ah, c'était l'affaire de l'année pour eux. Je crois qu'ils vont pas refaire cette fois-ci parce qu'on sait jamais. Bon, donc du coup, 12% ont décidé peut-être de faire une gâterie à leur copine. Alors, pardon. Pour fêter les victoires, et ça, je trouve ça beau. Voilà, donc on va appeler des gens afin de voir si bah ils sont plutôt ouverts à ce niveau-là. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. 1h34 du mat, là, on est toujours en direct jusqu'à 2h sur Fun. Comment ça va se passer? Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. C'est qui? C'est Tof, madame. Tof? Oui, Tof, c'est moi. Bah, t'offres qui? Bah, t'offres moi, madame. Et en fait, je vous appelais pour savoir si votre mari aurait le droit de vous faire l'amour en cas de victoire des Bleus à la Coupe du Monde. J'aime beaucoup ça répartit. Ouais, non, on sent que c'est une meuf qui a beaucoup de choses à dire. Ah ouais, elle a c'est vraiment un dialogue très agréable. Oui. Si tu appelles cette personne, tu lui parles, tu ne te couches pas con, en fait, tu vois. Non, c'est vrai. Au moment où tu raccroches, tu dis... Putain. Je me suis senti écouté. Voilà, tu remets toute ta vie en question, tout quoi. Mais non, franchement, c'est pas mal. C'est bon, on la rappelle. Je veux en savoir plus, moi, sur elle. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé, madame. Ça, t'as que ça qu'à foutre d'emmerder les gens à cette heure-là, franchement. Mais je vous emmerde pas, madame, je vous pose juste une question. Ah, bah, une question qui l'emmerde, apparemment. Hein. Apparemment, alors que pourtant, moi, ouais. Je trouvais ça sympa comme question. Bon, on la rappelle. Avec un peu de bol, on t'embrasse sur monsieur. Allô? Oui, je m'excuse, mais on a encore été coupé, madame. T'as une casse les couilles. Oui, oui, oui, c'est une manière de voir les choses également. Hein. C'est rapide quand même. Oui, oui, oui, oui, oui. Attends, on rappelle encore un coup. Hein. Allez. T'as une casse les couilles. On va pas me faire chier longtemps. Quatrième appel déjà quand même. Hein. Elle décroche plus. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais malheureusement, on a encore été coupé. Ah bon? Oui. C'est pourquoi? Ben, je voulais savoir si vous auriez le droit de lui mettre une petite cartouche en cas de victoire des Bleus. Ah, je suis pas chasseur, donc je peux pas la tirer. Ah, vous, d'accord, mais vous lui faites l'amour parfois quand même. Ouh là là, de temps en temps. Ah, de temps en temps, et en cas de victoire des Bleus alors, non? Ah ben, je lui fais pas souvent l'amour là, du coup. Bah non, mais peut-être que vous fêterez la victoire des Bleus en... En quoi? Bah, en la fourrant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est pas bête ça. Ah. Hein, c'est, donc, voilà. C'est une bonne occasion. Vous êtes renseigné? C'est une bonne occasion, non, monsieur? Oui, bien sûr. Ah bah voilà. Hein? Voilà, voilà. Bon, donc vous voyez avec elle, je vous rappelle? D'accord, c'est ça. Rappelez-moi demain, hein? À demain. Vous voulez pas que je vous rappelle tout à l'heure? Non, tout à l'heure non. Parce que après ça va être plus la même. Après on baise, hein. Ah bah oui, forcément. D'accord. Bah, ouais. Donc les coups de fil de gens un peu pervers, ça ne nous intéresse pas trop. Ah ben, il n'y a rien de pervers là-dedans, monsieur, je vous pose juste non, la question. C'est, ouais. Non, c'est... C'est de la vie privée des gens, quand même. Bah, pas du tout, monsieur, je vous demande juste si vous faites l'amour pour fêter la victoire des Bleus, c'est pas... Bah, c'est pas privé. Bah non. Ah bon, d'accord, ok, ouais, bon. Hein? Oh, bah, on n'a pas dû aller dans les mêmes établissements. Bah non, mais c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Oui, d'accord. Bon, vous êtes content? Bah, vous m'avez pas vraiment répondu là, monsieur. Ouais, bah maintenant je te réponds, on va te faire enculer. D'accord? Ah bah non! Ah non, monsieur! Non, allez. Ça se fait pas! Salut, mon pote! Non, ça se fait pas, monsieur! On n'est pas pote! Non, effectivement, vous n'êtes pas pote, non. On le rappelle encore un coup ou pas? Bon, oh, une petite dernière pour la. Bon, juste pour voir si on va tomber sur madame. Pardon. Allez. Monsieur ou madame? Monsieur. Moi, j'irai madame. Il va s'énerver, vous. Yasmoula, oui, monsieur, ça se fait pas. Moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une question. Le garage moulin, si je vous écoute. Oui, oui, oui, le garage moulin, oui. Et pourquoi c'est pour un dépannage? Bah, je sais pas, ça dépend. Votre femme a des problèmes. C'est pour vous que je parle, vous m'appelez. Donc, c'est vous qui êtes en panne. Bah, non, moi, je vous appelle parce que je voulais savoir. Vous m'appelez, je suis un garagiste, dépanneur, donc vous m'appelez. Bah, oui. Mais moi, je vous appelle pour savoir si vous allez faire l'amour à votre femme, quand, en tout cas, ouais. Victoire des Bleus. Bah, on verra, hein. Voilà. D'accord, donc oui. C'est ni oui, ni non. Ah, c'est peut-être. D'accord. Ça dépendra d'elle, quoi. D'accord. Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire, monsieur. D'accord. Oui, mais moi, c'est comme vous voulez. D'accord. D'accord. Et d'accord quoi, alors? Bah, d'accord. D'accord, vous me faites un chèque de 10 000? D'accord. Eh bah, avec plaisir, je passe le chercher, alors, monsieur. D'accord. Eh bah, très bien. À tout de suite. Et bah, on n'est plus d'accord, là. Allô? Ah merde, il a raccroché. Ah, et donc tu t'es mis bien à 10 000 euros? Ah bah, paf, comme ça. Hop, moi je vais les chercher. Hein. Eh bah vas-y, non, mais t'as il m'a dit d'accord, il m'a dit d'accord. Et à 10 000 euros, tu rigoles ou quoi, évidemment. Tiens, il y a Guillaume qui dit vous vendez du rêve là au top et DN04 sur l'application Mickaël No Limite. Qui dit tu pouvais pas mettre une capote abruti, c'est un truc de fou ça. Au plus ça va, au moins il y en a qui se protègent. Oui, je suis assez d'accord effectivement. Samuel? Oui. La capote, ça t'est pas venu à l'esprit? Il y en avait pas. Ah non, ah bah quand il n'y avait pas, alors du coup tu te dis que bah comme il n'y avait pas, au lieu de reporter à plus tard, tu te dis que t'allais quand même tremper ton biscuit maintenant. Non, on va dire que c'était une soirée un peu trop arrosée et on n'y a pas fait attention. Ah, pas fait attention. Parce que tu sais que dans l'absolu, c'est pas la première fois que je le répète, hein, mais au final, le meilleur truc qui puisse t'arriver, c'est d'être daron en fait. Ah c'est sûr, mais le meilleur le truc qui peut m'arriver, c'est que il peut m'arriver une grosse galère aussi. Oui, avoir le sida par exemple. Déjà ça, mais après au niveau de sa famille et tout ça. Mais ça c'est rien, qu'est-ce qu'on s'en a. Toi tu donc pour toi c'est moins grave d'avoir le sida ou une autre maladie que d'avoir les problèmes avec les darons. Ah non. Ça, ah bon, parce qu'il me semblait que t'avais mis ça dans le mauvais ordre, tu vois. Donc hein. Donc voilà ce qui vous voilà ce qui peut vous arriver effectivement si vous continuez à faire n'importe quoi et à coucher sans capote par exemple, hein, parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'elle n'avait pas disponible, parce que vous étiez un peu éméché éventuellement, parce que la copine n'en avait pas, peu importe. Et ben vous pouvez être papa. Hein, ou maman en l'occurrence, ça marche aussi. Et puis vous pouvez aussi surtout choper toutes les maladies possibles et inimaginables. Parce qu'évidemment il y a le sida dont on parle évidemment que tout le monde connaît. Puis après il y a la syphilis, il y a les hépatites, il y a la chaude pisse. Enfin bref, que des trucs super sympas quoi. La tophite. Oui, ouais. Il y a la tophite également qui est une crasse. La tophite, pardon, exactement. C'est souvent is à la fin. C'est ça. Donc voilà, faites attention, putain, protégez-vous, ça vous coûte que dalle, merde. Quand vous avez pas de capote, vous demandez, on vous enfile. C'est quand même pas compliqué. Samuel? Oui. Bon, tu le feras plus? Non, déjà, non, là, j'ai pu le faire, mais je vais essayer de trouver aussi une solution, quoi. Bah écoute, là, la solution, ça fait combien de temps qu'elle est enceinte? Là, c'est, elle est enceinte d'un mois, même pas. Bah, et elle veut le garder ou pas? Elle veut le garder, donc déjà oui, donc elle veut rester avec moi, mais après, c'est au niveau de pour l'annoncer avec qui je suis resté 4 ans et demi, quoi, avec sa sœur. Ouais, bah là, mec, t'as pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si elle veut le garder, il y a un moment, il va falloir lui dire, hein. Ouais. Bah oui. Elle va être tante de son propre mec. Et ça c'est beau. Et ça je pense que c'est un truc que tu l'imagines jamais dans ta vie. Et ça je pense que c'est pas mal. Ouais, non, on a réussi un bel exploit, mec. Bon écoute, moi je pense que à ta place j'aurais un petit peu peur et tu as raison. Parce qu'elle pourrait te frapper. Je pense que le mieux ce serait de l'appeler. Moi je suis d'accord. Ah oui. Attends, parce qu'il y a Johan également qui est avec nous là. Salut Johan de Blois. Salut Mickaël. Comment ça va? Eh bah écoute moi bien Mickaël hein. Bah mieux bonjour, que Samuel ça. Ah bah moi oui, ah bah oui c'est sûr, moi une fois ça m'est arrivé une fois, si tu veux, je me suis dit une fois pas deux. Oui, explique-nous la... alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah pour la petite histoire, j'ai eu la même chose que Samuel. Hein. Il m'est arrivé la même chose. Sauf qu'à la fin, en fait, je me suis rendu compte que c'était une grosse connerie, c'était que la petite sœur avait flashé sur moi depuis le début et voulait me garder auprès d'elle plutôt qu'avec sa sœur. D'accord, ok ouais. Donc j'avais réussi à me taper les deux, bon pas en même temps, mais même si. Ça m'aurait pas dérangé, mais bon. Ah, ça c'est pareil, ça fait partie de mes fantasmes. Si ça peut être des jumelles, alors là. Alors là, elle est au top. Ah oui, alors là. Elles étaient pas jumelles, mais elles avaient quoi, 2 ans d'écart, donc c'était pas grand chose. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ouais, et donc après, vas-y, continue. Et donc après, j'ai eu une discussion à trois avec les parents des deux frangines, hein. J'ai mis tout à plat, et après, bah, j'ai fait mon gros connard, je me suis barré, et j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Ah ouais, t'as bien fait l'enculé alors, hein. Ah non, mais j'ai bien fait l'enculé, puis résultat, bah je suis papa, mais pas de cette fille-là. Ouais, moi j'aurais pas fait mieux. Ouais, puis à la fin, c'était un coup d'insulte, quoi. C'était limite, si le beau-père, il allait pas me fracasser la tête contre le mur, enfin... Ouais, mais c'est normal. Quoi. Mais quoi, aujourd'hui, donc t'es papa, mais tu vois jamais l'enfant? Ah, je suis papa, mais pas de cette nana-là, en fait. Hein. Entre-temps, j'ai rencontré d'autres personnes, et puis bah... Ah, d'accord, ok. J'ai fait ma vie. Bon, et du coup, que faire avec Samuel? Samuel, ce que je lui conseillerais, moi, ce serait de voir les deux gonzesses, pas leur dire que justement, mais essayer de savoir si c'est vraiment si c'est vrai en fait que pense la petite sœur. Si c'est j'ai rien compris. De quoi? Savoir si la petite sœur est vraiment enceinte ou pas. Ah. Ouais, bah, test de grossesse. Faire le test de grossesse, enfin, c'est surtout la prise de sang. Et être là pour la prise de sang. Pour avoir les résultats sous le nez, savoir s'il est vraiment positif ou négatif, quoi. Parce que bon, s'il a pas les résultats sous le nez, elle peut lui dire ce qu'il veut et puis lui il va plonger dedans. Lui. Ouais, enfin au bout d'un moment le polychinelle il va pas sortir, quoi, tu vois, si au bout de 9 mois il y a rien. Non mais même déjà si au bout de 3 mois tu vois qu'il y a rien qui gonfle ni rien, effectivement il y a peut-être un problème. Bah écoute Samuel, de toute façon, autant l'avouer, vaut mieux que tu l'avoues toi maintenant que plutôt qu'elle l'apprenne par la sœur et là elle va te le mettre dans la gueule. Alors, de toute façon elle va te le mettre dans la gueule. Vaut mieux qu'il lui dise à la grande sœur. Hein. Ah bah je te... dise, ouais, je confirme. Il va prendre une bonne sentence. Je te le surconfirme même, effectivement, ouais. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Johan. Hein. Bah y'a pas de soucis, j'ai moi juste passé une petite dédicace vite fait. Eh bah vas-y, y a une seule personne, choisis la bonne. Eh bah je passe une dédicace à ma fille de 3 ans qui est en train de faire dodo paisiblement dans la pièce à côté. Et donc il en a rien à foutre. Voilà, et qui n'écoute absolument pas l'émission, évidemment. Bah non, mais bon, il y a école demain. Ah bah oui, c'est ça. C'est normal. Ouais, oui, à 3 ans. Au lit. Ça roule. Voilà, salut, Johan. Pas de soucis. Allez, au revoir tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao, Johan. Bon bah Samuel, tiens-nous au courant. Hein. Il y a pas de souci. Et envoie-nous des dragées. Hein. Ouais, ouais. Et si tu veux qu'on l'appelle en direct, tu nous dis. Hein. Il y a pas de souci. On peut le faire demain, si tu veux. Pourquoi pas. Bon, eh bah écoute, je te repasse Sandro. On va gérer ça pour demain, alors. Ça marche. Ça roule. Salut, Samuel. Bonne soirée. Ciao, à bientôt. Bon, alors Camille. Oui. Bon, il y a Kevin et il y a Jonathan qui sont là tous les deux. Là. Salut les gars, Kevin, Jonathan, vous êtes là? Salut. Très bien. Bonjour, bon. Camille. Alors, Kevin, je te présente Camille, Camille, Kevin, Jonathan, Camille, Camille, Jonathan. Enchanté. Enchanté même, enchanté. Enchanté. Eh ben, c'est pas comme ça que vous allez la pécho, Jonathan et Kevin. Hein. Non, c'est mal parti, là. C'est plutôt mal parti, là, vu comment vous parlez. Vas-y, là. Bah oui, c'est très très mal parti, même. Ben, bah, moi j'ai 26 ans, j'habite sur Paris. Oui. Je suis Céline, j'ai 26 ans. 26 ans? Ouais. Oui. Je travaille, je suis responsable de com sur un site de vente en ligne. Ah, mais Internet ils aiment bien. Comment? Internet elles aiment bien, hein. Quand tu connais sa cousine Laura qui est en kiff sur un mec sur Internet qu'elle n'a jamais vu. Oh, c'est bon toi, là, on excuse-moi, elle demande si le chinois il est libre pour quand. On vient de deux, un chinois toujours libre, toujours prêt à fourrer ta nouille. J'ai envie de dire ce soir. D'accord, bien sûr, je te reprends le tendard, j'arrive. Je vais te démonter, je vais te mettre mon nem. Alors moi c'est Jonathan. Oui. 18 ans, je viens de Bruxelles. Ouais, c'est un peu loin. Bon, c'est pas long, ça fait 250 km. Voilà, donc je travaille dans un home. Oui. Dans une maison de retraite. Dans une maison de retraite, ouais. Et voilà, je fais une formation en cuisine. Ah, bah c'est bien ça, il sait faire bouffer. Eh ouais. Très bien. Moi aussi, je sais faire à manger. Ouais, bon, enfin bon. Moi aussi, je sais faire à manger. Bon, bah tout le monde sait faire à manger, c'est pas. Ah non, pas moi. Oui, ça l'a bien vu. À titre d'info, moi aussi, je suis de Bruxelles, mais j'habite Paris. Ah d'accord, ok, très bien, parfait. Et je suis jeune rappeur en même temps. Ah. Qui ça, qui est jeune rappeur? Jonathan. Jonathan, jeune rappeur, d'accord, ok, très bien. Bon, et du coup, je pense pas que c'est comme ça que vous allez réussir à pécho Camille, hein, on n'est pas dans le tournée manège. Hein. Et c'est quelle origine, Jonathan? Je suis congolais. Pardon? Congolais. Et toi, Kevin? Ça veut dire qu'il est... Moi, je suis belge marocain. Belge par mon père, marocain par ma mère. D'accord, ah ouais, ok. Donc le mieux membré, c'est Jonathan. Ah oui, donc normalement, techniquement, le mieux membré, effectivement, est Jonathan, normalement. En termes c'est de centimètres. C'est une légende urbaine, c'est une légende urbaine. Attends. Jonathan, centimètres, ça fait combien? Je mesure pas, je sais pas que ça va faire. Non mais grosso modo, tu sais bien si elle fait plutôt 10 ou plutôt 20. Hein. En tout cas, elle est grosse, ça c'est sûr. Ah voilà, très bien. Et elle toi qui. S'il te plaît? T'as une grosse bite. Oh là. Faut répondre, hein. Bah ouais, ça va, quoi. Elle est assez chargée. Elle est assez chargée. S'il te plaît. Quoi? Je crois qu'on peut te dire quoi? Tu veux dire quoi par là? Bah ça veut dire que ouais, là ça va, là c'est grosse, quoi. Je vais pas me vanter non plus. Non, bah non. Non, bah c'est ça, il faut pas trop te vanter non plus, hein. Hein? Et toi sinon, tu viens d'où? Ah bon? Toi sinon, tu viens d'où? Moi? Moi. Bon, alors Camille, ce qu'on va faire, Camille, Jonathan et Kevin, on va vous laisser hors antenne, comme ça on va prendre la température de temps en temps, comme ça vous allez pouvoir discuter ensemble, ce sera mieux, hein, ce sera mieux. Tout le monde s'endort, là. Ah non, non, parfait, ça sera mieux, je pense. Ah non, c'est que t'as vu que tu posais la question, non? Mais non, c'est à vous, bande de mongols, ils sont là, ils regardaient le plafond. Mais là, non, moi je regardais le standard. Oh, qu'il est beau le plafond, oh, il est beau, c'est belle lumière. Moi j'écoutais les techniques de drague à deux balles, là. Ah bah oui, ça c'est clair. Si Laura veut se faire fourrer, y'a pas de problème. Ouais, c'est ça. Et puis on a Aurélie également, là, avec son lièvre. C'est quoi l'histoire du lièvre, Aurélie? Oui, moi j'ai peur. Je te le dis direct, avant Polo contre le reste du monde, t'es la dernière et je suis dans un état de fatigue extrême après ce week-end de psycho à Orsiero, ski à Grenoble. Non, non, c'est pas pour que tu te dépêches, c'est juste par rapport à l'histoire du lièvre qui m'inquiète beaucoup. Oui, bah, non, c'est rien de sert de courir, il faut partir à point, enfin tout le monde le sait. Mon voisin l'a récupéré, on part avec mon poing dans ta gueule. Mon voisin l'a récupéré dans un champ derrière chez moi, un petit peu plus loin, il était tout seul et donc du coup il l'a récupéré chez lui. Il n'est pas sevré du tout, donc du coup je lui donne le biberon, mais j'écoute des avis un petit peu partout, à gauche et à droite, et personne n'arrive à me renseigner pour savoir ce que je pourrais en faire par la suite. Ben en fait, ça un peu plus loin. Lâche-le. Eh bien écoute, ça s'appelle un civet. Alors je vais t'expliquer comment il faut découper le lièvre. Non. Mais relâche-le, il est... Oui. Certains vétérinaires m'ont dit qu'en fait, une fois qu'il était habitué avec l'humain, il reprenait son instinct sauvage, mais qu'il serait directement tué quoi dans la nature et qu'il est... Eh oui, mais bon, c'est la vie, hein, ça donnera à bouffer aux autres. Eh ben, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un tube, tu vas me l'envoyer, et moi, je vais le bouffer. Tube. Non, ça ira, non. Mais relâche-le. Mais oui, relâche-le, le malheureux, là. Mais non, mais enfin, je veux dire, quitte à ce qu'il se fasse bouffer, autant que ce soit par moi, merde. Mais non. Non, c'est méchant, franchement, puis il est super gentil, en plus. Mais c'est pas méchant. Comment tu sais qu'il est gentil? Il te parle. Non, mais il m'attaque pas, quoi. Il remue ses petites oreilles. Il non, ne mais en plus, c'est chum. En fait, c'est moche, un lièvre. Bon, un lapin, c'est mignon, mais le lièvre, il est un peu long. Mais oui, alors il est un peu long. Je vous ai envoyé des photos, vous regarderez. Il est un peu bâtard. T'as envoyé ça où? J'ai envoyé en même temps que sur Mickaël No Limit sur Facebook. Ah, attends, on va aller voir. Alors, attends, parce que je l'ai pas encore. Je peux encore jeter un œil là-dessus. Oh, bah oui, il est trop mignon, dis donc. Qu'est-ce qu'il a? Moi, je te dis, vends-le. Oh, minou. Non, c'est Sandro, Lapinou, c'est pas Minou. Ouais, Sandro va le prendre. Voilà, Sandro va prendre le lièvre. C'est pas un lièvre, ça. Bon, écoute, envoie-le-nous, Toff va le bouffer. Voilà, et comme ça, on n'en parlera plus. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu veux qu'on essaie de trouver un nouveau propriétaire pour le lièvre? Non, j'aurais juste aimé savoir si des fois, il y a des personnes qui faisaient partie d'associations d'animaux sauvages. Ce sont des lièvres en colère. Mais non. Oh, et on te voit sur la photo en train de lui donner du lait. C'est sérieux, ça? Oui, c'est vrai. Oh là là, parce qu'il y a Polo qui voudrait absolument l'adopter. Ah non. Il veut l'adopter comme animal de compagnie, pour le mettre dans le bureau. Il ira le promener de temps en temps avec une laisse. Ça va être beau, ça va être magnifique. J'ai déjà Toff comme à promener, je lui fais faire caca dans les coins là, ça suffit. Bon, quoi. Donc s'il y a une assoce qui nous écoute, et qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec nous, je ne te garantis rien. Hein. Oui, je me doute. Mais c'est quoi comme les lièvres alcooliques, c'est quoi? Mais j'en sais rien, on m'a dit qu'il y avait des associations pour les animaux sauvages dans le coin, mais j'ai beau chercher, je trouve rien du tout. Mais oui, les lièvres anonymes. Oui, exactement. Moi, non, je dis... Non, ça, je crois pas que ça existe. Fais-lui faire un peu de musculation, et donne-lui un couteau et relâche-le dans la nature, voilà. Il se démerde. Ça peut être une idée, ça. Ça peut être une très très bonne idée. Tu vois un peu le délire. Complètement. Deux, trois carottes de... Tu sais, comme une cartouchière, là. Ouais. Tu lui balances une vingtaine de carottes et lâche-le dans la nature, quoi. C'est une idée. Bon, écoute Aurélie, si jamais on a quelque chose, on te rappelle. Hein. D'accord, c'est gentil, je pourrais passer une dédicace. Il y a adopteunlièvre.com aussi qui vient de sortir, ça t'intéresse. Allez, vas-y, ouais. Bah, une seule personne a choisi la bonne. Qui m'écoute. D'accord, ok, très bien. Ah bah attends, il y a Michel qui est avec nous. Salut Michel. Salut l'équipe. Ça va? Ouais. Bon, t'appelles d'Auxerre, toi tu voulais parler des lièvres. Salut, je suis Michel, j'ai 45 ans, je vais lui mettre un coup de fusil de chasse dans la gueule, moi j'en ai rien à foutre. Moi qui pensais qu'on allait être débarrassé. Bon, alors, du coup, Michel, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport aux lièvres? Le lièvre, faut qu'elle le relâche de suite, comme il va crever. Il va mourir. Mais voilà, donc quitte à ce qu'il crève, autant que je le bouffe, non? Ouais, faut disons qu'il va mourir tout seul. Ouais. Voilà, il va se laisser mourir, donc il vaut mieux effectivement le laisser partir. Voilà. Non, il vaut mieux le bouffer. Pour qu'il rejoigne le papa et maman lièvre. Voilà. Rejoindre ma casserole. Surtout la mère, elle va plus le reconnaître, hein, comme tous les animaux. Ah oui, parce qu'il aura changé, ça va devenir un voyou. Il va braquer des vieilles lapines. Voilà. Il y a Xavier qui dit qu'il a qu'à faire une paire de pantoufles. Voilà. Et Adine également qui dit qu'il faut le relâcher car il va retrouver ses marques et reprendra sa vie normale. C'est un animal sauvage, sinon voir avec la SPA pour le lièvre. Même la SPA, bon, il est du chevreuil. J'ai une ferme et j'ai des chevreuils chez moi comme j'ai des chevaux. J'ai récupéré des jeunes chevreuils à 6 mois. Et je suis obligé de les ceux-là, ils sont... Disons qu'ils, quand ils viennent à l'homme, ils resteront à l'homme. D'accord. Ah bah oui, bien quand sûr. Est-ce qu'on les mange? Oh, non, arrête de penser qu'à ça, c'est un truc de ouf. Ils reviendront sur place. D'accord. Ah, y a le meuf Ferry qui dit, moi j'ai mis un lièvre en cage, ben ils deviennent dingues en cage et finissent par se blesser. C'est comme c'est pareil, c'est la même chose. D'accord, ok, très bien. Bon bah voilà, mais comme ça t'as plus d'informations alors. Bah merci beaucoup. Mais avec plaisir Aurélie, ouais, merci Michel. Salut à vous, à bientôt. Ciao. Bon, et puis on va se mettre dans un instant, il y aura Polo contre le reste du monde. Et puis avant, il y aura également aussi, il y aura le top Twitos. Et puis je vous l'avais promis, le son de David Guetta, on va se le remettre avec Showtech. Bad maintenant sur Fun, il est 1h55 du Bad, bienvenue tout le monde. Et le nouveau David Guetta à l'instant sur Fun Radio, c'était avec Showtech. On vous l'avait fait découvrir tout à l'heure à 23h15. C'était Bad sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, il est 1h58. Ouais. Et puis avant de faire le top Twitter, c'est bien c'est l'heure justement de faire un tour du côté de... Polo contre le reste du monde. Exactement. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue à tous. Après ce week-end d'enfer où j'ai failli mourir de nombreuses fois, je suis là de retour. Donc profitez-en, c'est pas tous les jours que je serai là, peut-être, qui sait. Hein, un jour ça disparaîtra. On commence tout de suite avec Aurélien, avec Vincent. Allô Vincent ? Allô Vincent ? Où es-tu Vincent? Bah Vincent ne répond pas. Vincent? Bon Vincent ne répond pas. Aurélien? Ah Aurélien? Ah il n'y a personne qui répond. Ah le NEM? Bon attendez deux secondes parce qu'en fait il y a un petit souci technique. Je vais appeler la technique parce qu'il y a... On a un problème technique. Je comprends pas. Ah il comprend pas. Bon on va réparer ça dans deux secondes pour profiter de ce petit moment de détente, on y va tout de suite avec Aurélien. Aurélien ! Oui, allô, Polo ? Salut Aurélien ! Oui, salut Polo ! Salut Aurélien ! Ouais, salut Polo ! Ouais, tu vas répéter sans arrêt, salut Polo, Aurélien ? Bah non, mais on peut se dire bonjour, merde ! Bah salut Aurélien ! Salut Polo ! Salut Aurélien ! Salut Polo ! Salut Aurélien ! Vincent, dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute ! Salut Polo, ça va ? Salut Vincent, ça va ? Bah écoute, j'arrive toujours pas à retourner ma nana, alors je me suis dit... Vincent, je m'en contrefous, casse-toi, le NEM ! Oui, bonjour monsieur Polon. Bonjour le NEM. Vous appelez un pas de corps, vous êtes apparti de l'hôtel ce matin sans payer les 10 euros. C'est le petit déjeuner que vous avez pris ce matin, qu'elle n'a pas payé les 10 euros. C'était inclus le NEM. Non, c'était pas inclus dans votre temps. C'était inclus le NEM. C'était pas inclus dans votre temps. Mais qu'est-ce que je fasse maintenant je suis parti. Il faut venir à de Noble pour payer les 10 euros. Voyez avec Toff le NEM. Aurélien le retour. Oui, Polo. Oui, Aurélien. Oui, voilà, en fait, non, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai récupéré un escargot. et donc là, bon, je l'ai nourri, hein, je lui ai donné sa salade tous les jours et tout. Est-ce que tu lui as donné le sein? Non, je lui ai pas donné le sein parce que ça boit pas de lait, un escargot. Et donc, je savais pas quoi en faire, hein, parce que j'avais pensé le remettre dans la nature, mais... Écrase-le, arrête de me gonfler avec ça. Vincent! Oui, Polo, comment ça, 69? Vincent, est-ce que t'es un abruti ou t'es un abruti? Je suis les deux. Bon, attends deux secondes. Le NEM, le retour. Bon, écoutez, je vais appeler la police. Mais le NEM, je vais appeler la police. Il faut payer les 10 euros. Mais vous allez pas me prendre la tête pour 10 euros, le NEM. Appelez Toff. Vous êtes parti de l'hôtel sans payer. J'ai pas payé parce qu'il y avait rien à payer, le NEM. Oh là là, Aurélien, le retour. Bon, l'escargot. Ouais, non, parce que du coup, moi, j'ose pas le relâcher parce que je me dis que peut-être il va se faire écraser ou il va se faire manger. Donc. Attends, mais Aurélien, t'es sérieux là? Bah ouais, du coup... Tu le prends, tu le rejettes dans la nature et on n'en parle plus, qu'est-ce que tu viens me gonfler là? Ouais, mais moi je sais pas, moi j'ose pas faire ça. Jette-le, arrête de me saouler, Vincent. Oui, Polo, alors comment fait la cuillère alors dans ce cas-là? La cuillère? Oui. J'en sais, mais Vincent, mais tu peux pas acheter un livre? Bah non, c'est toi mon bouquin, bon. Polo. Bon, tu prends ta bite. Oui. Tu la prends et puis tu la mets dans la chatte de la meuf, arrête de me saouler. Le NEM, le retour. Oui, un monsieur Polo. Oui, le NEM. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec l'autre auditeur qui a Ectago pour être rang? Bon, je te le passe, Aurélien. Il y a le NEM qui veut te parler pour le sujet de l'escargot. On a peut-être trouvé quelqu'un pour l'adopter. Oui, il voudrait prendre l'Ectago pour mettre aller à Ectoran. Mais non, on va pas le manger. Si, c'est pour mettre très très bon plat. Très bon plat. Mais non, le pauvre. Numéro 17. Numéro 17 du menu. Très très bon toit. Numéro 17. 17 du menu. Bon, monsieur Polo. Oui, le NEM. Il faut payer les 10 euros. Hein. Ok, je vous attends le virement. Hein. Le NEM. Oui. Tu peux y aller, j'en ai rien. En fait, je m'en fous. Je te paierai rien. Allez, casse-toi, le NEM. Aurélien, le retour pour terminer ce Polo. Contre le reste du monde. Je t'écoute. On va pas manger l'escargot. Si, on va le manger. Vincent. Oui, bah moi, je te donne l'escargot, Polo. Je m'en fous. Je suis à 69, ça y est. Ok, bah merci, Vincent. Tu peux y aller ou je te raccroche le nez? Non, j'y vais moi-même. Bon, allez, casse-toi. Allez, dégage. Aurélien. Ouais, c'est trop triste, on va manger, on est bien. Bon, Aurélien, espèce d'idiot, bah. Eh, la broutille. Oui. T'as pas autre chose à foutre? Mais non, mais je veux pas. Aurélien. Aurélien. Oui, Polo. On s'en fout, ton escargot, c'est un escargot. Oh. Aurélien, c'est pas grave, on s'en fout, ton escargot. Et bagarde-le. Aurélien. Mais je peux pas le garder à la maison, il va devenir trop gros. Mais non, ça pousse pas, l'escargot, Aurélien. Ah oui. Mais non, tu sais ce que tu fais, tu prends un peu d'herbe, tu lui mets une petite boîte, puis on n'en parle plus. D'accord, bon, allez, Aurélien. Aurélien. Allez, casse-toi, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio. Exactement. Voilà. Allez. Eh ben, retour de l'émission demain, si Dieu le veut. Demain. Évidemment. Bon, allez hop, c'est parti. 2h03, on va se faire le top tweetos. Puis on aura le générique de fin, bien entendu, comme chaque soir. Hein. C'est parti maintenant. Alors, attention, le top tweetos, les 5 premiers qui ont été les plus fidèles. Bah oui, les plus fidèles à l'émission ce soir, hein, en tout cas les plus influents, avec le hashtag Mickaël, et on y va, le numéro 5, qui est-il well? Let's be freaks! Elle descend, mais elle termine quand même dans le top 5, c'est le principal, numéro 4. Numéro 4, Elliot. Numéro 3. Vive les sodomites. Numéro 2. Drakit. Et numéro 1. Florian qui n'a pas encore gagné, je pense. Non. Eh ben voilà. Eh ben il repart avec le sextoy offert par. Passage du désir.fr. Évidemment. Bon ben voilà, très bien. Nous on revient demain également, mais avant de partir, vous le savez, il y a le générique de fin. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes, tout sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger quand t'encules ton nom toute la journée. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Et maintenant, va te faire enculer, ça ira te promener. Tu vas un petit peu te faire enculer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Tête de bite. Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez vous faire enculer profondément. On va faire chier ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, ton cul d'enculé. C'est raté, mais c'est la fatigue. On est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Voilà, merci Lilou. Eh oui, on remercie également tous ceux qui étaient connectés ce soir sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission. Vous avez été très nombreux. Il y avait la petite fée, il y avait également Vive les Sodomites qui était là, il y avait Cyprien, DJ Damino, il y avait le le tilteur, voilà, qui était là également. Qui avait Amel 15 également qui était connecté ce soir. Il y avait Abdel qui était là. Il y avait Dédé, Sony, Elliot, etc., etc. Je ne peux pas tous vous citer, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Donc jusqu'à 2h du matin. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain, nous, évidemment, pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Eh ouais! Qu'est-ce qui t'arrive encore, Polo, là? T'es en train de t'exciter pour rien, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a JB qui bat, il veut me toucher la bite depuis. Mais moi aussi, il veut absolument me toucher la bite, c'est vraiment grave. Hein. C'est vraiment grave. Il y a une grande histoire d'amour entre vous. Bon, allez, à demain 23h. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh là là. Allez, viens, Polo. Qu'est-ce qu'il a? T'as un problème, ma gueule? Un problème, il bat. Il est pas sérieux, là. Il y a Toff qui est jaloux, quand même. Attention. Bah oui, il aimerait bien. Il aimerait bien. Moi, je suis super jaloux. J'aimerais bien que tu me frottes comme ça. Tu m'étonnes. Non, allez, viens, Polo. Viens. Allez. Et il va te mettre une patate. Mais tu sais que moi, quand je suis dans le couloir, il vient là, il essaie de me toucher le cul ou la bite. Il a un problème. Viens dans le local à cadeau, Polo. Je vais t'offrir des packs fun. Tu sais, parce qu'il a déjà baisé dans le local à cadeau. Il a déjà baisé un mec qui s'appelait Mario. Mario. Apparemment. Ce pervers de JB. Apparemment. Il travaille au service technique de Fun Radio. Non, c'est Anne de Fun Radio Toulouse qui me dit ça. Qu'apparemment, tu t'es tapé un mec dans le local à cadeau qui s'appelait Mario. Il n'y a plus de dossier sur ça. Non, mais si, il s'appelle Mario, c'est juste ça, c'est pas un dossier. Après, je m'en souviens plus. Ah bah voilà, c'est ça, à mon avis, ça doit plutôt venir de là. Je m'en souviens plus. Très bien. Allez, avant de faire des vannes de merde, on s'envoie le son des Daft Punk avec Instant Crush sur Fun Radio. Ah bah non, il n'a pas de vanne à dire, donc c'est pas. Bah, putain, je suis étonné, hein. Vraiment étonné. Allez, 2h07, on se retrouve demain après Love in Fun sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Daft Punk, c'est Instant Crush. Ciao.